Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui épargne ses ennemis même si elle pourrait bien les briser. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. On se retrouve pour un nouvel épisode, le premier épisode de ce mois de décembre 2022. La fraîcheur, l'hiver est parmi nous et nous sommes là dans vos oreilles, nous sommes là grâce à qui? Eh bien grâce aux personnes qui ont fait le choix de sacrifier quelques euros de leur pécule pour soutenir cette émission et je vous en remercie du fond du cœur. Merci aussi, énormément. Hein. Oui, tout le monde, oui, tout sûr, le monde est grateful ici. Bien sûr. Hein, bien sûr. Qui, ouais. Grâce à qui vous pouvez payer votre chauffage là. Et ben voilà. Grâce merci à ces gens-là, donc merci énormément de nous soutenir sur Patreon si vous le pouvez. On remercie également notre sponsor, car oui, nous avons de nouveau un sponsor cet épisode, et c'est, eh bien, c'est Sony avec le PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus. Je le rappelle, c'est cet abonnement en plusieurs paliers qui vous permet d'accéder à différents catalogues sur PlayStation, mais aussi sur PC en streaming, si vous preniez le dernier palier. On peut vous faire quelques petites recommandations aujourd'hui en lien avec notre jeu du jour Sifu. Déjà, ce qu'on sait, c'est que ce qui est disponible, il y a Absolver. Oui, qui est déjà dispo dans le Extra, donc c'est le deuxième palier de l'abonnement. Donc il y a Absolver et son extension Dawnfall qui est dispo. Donc si vous avez aimé Sifu, bah, vous aimerez probablement Absolver, parce que c'était le premier jeu du studio Slow Clap, et on aura l'occasion d'y revenir. On voulait aussi vous conseiller, là, si vous écoutez vraiment l'épisode au moment de sa sortie, il vous reste quelques jours pour télécharger Nioh 2, qui est là dans le PlayStation Plus Essential, donc l'abonnement, le palier de base. Ouais. Voilà, téléchargez-le. C'est pas forcément en lien direct avec Sifu, mais on tabasse des trucs avec des katanas. On tabasse des trucs. Est-ce qu'il y a de la parade dans Nioh 2? Il y a de la parade, il y a des élades. Il y a du pari, c'est bon, tout donc est... On est c'est, ça reste un bon jeu d'action, sachant que le premier Nioh, lui, il est dispo dans le PlayStation Plus Extra. Et si vous avez l'abonnement Premium, vous pouvez essayer tous les Yakuza qui ont été rajoutés il y a pas longtemps. Voilà. Et là, voilà, niveau tabassage. Là, niveau tabassage en règle, normalement, avec les poings, les pieds, les verres de bière, tout ce qui passe. Bicyclette. Ouais, ouais. Non, voilà, non, mais il y a vraiment des scènes de combat dans Yakuza gens, qui sont. Des enfants, vous pouvez taper avec tout, tout est possible. Donc, tout ça, c'est dispo sur les différents paliers du PlayStation Plus. Merci à PlayStation et bien de soutenir Fin du Game. Aujourd'hui, on l'a dit, on va attaquer Sifu. Jeu qui est sorti cette année, un des premiers jeux sortis cette année, là, en 2022, que nous faisons dans cette émission. Il y a une musique qui a été choisie par Maître Serve. Oui, c'est la musique du trailer, enfin, pas du trailer, parce que ça ressemble vraiment à un trailer, tu sais, c'est le montage slash tuto du début, en fait, après le prologue, il y a toute une séquence sur fond rouge qui est très cool, où on va voir les différents ennemis qu'on va affronter tout au long du jeu, et voilà, évidemment, cette musique, elle est, je pense... Elle fait le job, voilà. Elle fait le job, ouais. Très bien. Et on se retrouve juste après ça. We'll be right back. Alors, Sifu, c'est sorti le 8 février 2022, c'était sorti sur PlayStation, donc en exclu temporaire, et c'était aussi sorti sur PC en exclu temporaire sur l'Epic Game Store. On sent qu'il y a 2-3 deals qui ont été signés par-ci, par-là. C'est arrivé sur Switch, là, au tout début du mois de novembre, donc voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut la version, car vous savez, nous ne sommes pas testeurs dans cette émission, donc on ne sait pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est sorti. C'est développé par Slowclap, tu l'as dit Benoît tout à l'heure, et c'est édité par Kepler Interactive, et comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur l'histoire du studio. Donc Slowclap, ça a été fondé en 2015, ce sont des anciens d'Ubisoft, tout simplement, comme 72% des studios indé-européens qui ont été fondés. Des gens qui avaient bossé notamment sur Watch Dogs et Ghost Recon, donc voilà, c'est Ubisoft, époque 2013-2014, voilà, il se passait des choses incroyables, et puis après, voilà, ces gens sont partis, vraisemblablement, ça s'est moins bien passé. Donc ils fondent Slowclap, donc c'est toute une team, hein, donc on peut citer plusieurs noms, il y a Pierre de Margerie, Jordan Layani, Aurélien Topia, Olivier Gartner, Pierre Tarnot, et je crois que c'est à peu près tout, je sais pas s'il y a encore un ou une autre cofondatrice, ça c'est ce que j'ai pu repérer sur leur site, mais voilà, il y avait quand même pas mal de monde, et surtout, ils vont pouvoir signer un deal avec Devolver Digital, label indépendant, patati patata, bon, si vous connaissez l'émission, normalement, vous les connaissez. On en avait beaucoup parlé dans l'épisode, notamment sur Hotline Miami, tout à fait. Mais pas que. On en a parlé aussi avec l'épisode sur Gris. Oui, voilà. C'était leur deuxième phase, voilà. Un petit peu. Des anciens d'Ubisoft espagnol. Hein. Oui, c'est vrai. Exactement. Et donc, ils ont pu sortir le jeu dont on parlait en intro, Absolver, qui était un beat'em all RPG multijoueur. Voilà, un petit jeu pas trop ambitieux pour commencer, parce qu'il faut commencer simple quand on fait du jeu vidéo. Ouais, c'est un jeu qui était très ambitieux, puisque l'idée c'était de proposer à la fois une campagne en solo où on incarnait donc différents personnages avec vraiment un style visuel très reconnaissable. Absolver, c'est les personnages qui ont tous des masques, ouais. Hein, donc ils ont ce look très particulier, et il y avait aussi une partie multi un petit peu asynchrone ou pas, un peu comme dans les Souls en fait, hein, où on pouvait croiser d'autres joueurs et les tabasser avec un système de combat assez complexe qui est pas mal inspiré de plusieurs styles de combat, il y avait plusieurs styles de combat, tu pouvais mélanger, etc. Et tu pouvais en fait choisir les différents combos que tu allais débloquer, la façon que tu allais de parer, de défendre, etc. Il y avait vraiment une inspiration. Alors moi je vois God End, mais j'imagine qu'il y a pas que ça, où on fait un petit peu son jeu de baston à la carte. Mmh. Ouais. Tu pouvais choisir entre différents styles. T'en avais un qui était plutôt basé sur l'esquive, ouais. Un qui était basé du coup plutôt sur l'agression. Tu vas essayer de briser la garde, parce que je crois que t'avais une jauge d'endurance. Bah vraiment, la Dark Souls, c'est une barre de vie, une jauge d'endurance qui va monter en fonction des coups que tu donnes ou des gardes quand tu mets en position de garde. Et tu avais aussi le style Drunken Master aussi qui était dedans. Et c'était des coups, je crois, il fallait les débloquer dans le mode solo en combattant bien contre certaines personnes et tout. Et bah, t'allais incorporer ces différents moves dans tes capacités. C'est un jeu qui était très difficile. Voilà. Difficile et complexe surtout, ouais, parce que justement, il fallait rentrer dans le truc, tous les trucs à débloquer, patati, les différents styles. Il y avait vraiment une notion qui était vraiment très proche du jeu de combat, vraiment du versus fighting classique, avec toutes ces notions de confirmation de coups. C'est-à-dire qu'il faut déjà un petit peu poke l'adversaire pour savoir si ça passe ou pas derrière, et ça demandait des réflexes vraiment, je trouvais moi très élevés, hein. Pour moi voilà, c'était un tout petit peu trop dur. Et puis surtout, fallait faire vivre ça en multijoueur, c'était ça aussi la grosse ambition, c'est que eux ils avaient envie de faire une sorte de World of Combat, un truc comme ça où tout le monde allait pouvoir se retrouver et se mettre sur la tronche. Bon, faire un jeu multi d'envergure qui tient bien, où faut des frames parfaites, où c'est des trucs comme ça, on sait que c'est toujours difficile, très compliqué, ouais. Surtout là en plus c'était du combat en 3D et tout, donc vraiment grosses ambitions sur ce jeu, on le sait, voilà, ça a été peut-être, si on connaît Sifu, après ils se sont dit non, le multi on va se calmer, le slip, on va redescendre d'un cran, ouais. Bah, de toute façon en termes d'ambition, c'est d'ailleurs même une sorte de blague, tu sais, au sein de l'industrie, ouais. C'est-à-dire que souvent t'as des gens très très ambitieux qui vont se dire tiens, on va faire un MMORPG, ouais. Bon, voilà, ça, en général, ça se passe mal. Bonne chance. Mais ça, c'est quand même un petit peu vendu. Il y a eu plus de 300 000 ventes et puis beaucoup de gens qui avaient pu y jouer sur le Game Pass. Et puis, il y avait aussi, comme tu l'avais dit, l'extension d'Unfall qui avait peut-être rallongé un petit peu la vie du jeu. On imagine qu'ils ont suivi le jeu aussi puisqu'il y avait des trucs multijoueurs. Mais bon, voilà, Absolver, c'est resté finalement... relativement confidentiel, on va dire. Anecdotique. Ouais, ouais. C'est pas devenu un must-play avec les années. Ce n'est pas devenu un... Effectivement, tout à fait. Alors, fast-forward... sur la création de Sifu. Alors ça a commencé, je sais plus, c'est de 2016-2017, un truc comme ça, c'est dans ces eaux-là. Cette fois, c'est une 60aine de personnes qui vont bosser sur l'ensemble du jeu, donc c'est quand même gros, hein, on est sur du triple UI, comme on dit, hein, dans le 20e, à Paris, c'est là où est le studio. Le budget, c'est une 10aine de millions d'euros, ça c'est Pierre de Margerie qui l'a dit sur BFM TV Business. Voilà, moi j'ai regardé les vraies émissions, il était interviewé, donc il a parlé de ça, donc quand même un gros jeu, en fait, pour un studio indépendant. Oui, en fait, ça dépend comment on le regarde, c'est-à-dire que pour un jeu indépendant, c'est énorme, on est clairement dans du triple UI, mais c'est ce qu'on appellerait dans l'industrie plutôt, ce serait un double A. C'est-à-dire que là, on est sur le budget d'autres jeux, tu vois, je peux pas donner de nom, mais ce sont des budgets d'autres jeux. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, tu vois, on sent que ça se rend compte, c'est-à-dire que les indés peuvent monter à des sommes où ceux qui sont en bas un peu du panier dans les grosses productions triple A avec des éditeurs vraiment traditionnels vont se retrouver. Donc, on est effectivement sur un gros jeu. Ils vont rester, bien sûr, dans cette philosophie de combat, des arts martiaux. Ils ont notamment beaucoup mis en avant leur travail avec quelqu'un qui s'appelle Benjamin Colucci, qui dirige une école de kung-fu, et notamment du style Pac-Mei, qui va être celui qu'on va retrouver dans le jeu. Et en plus d'être maître dans l'école, il a aussi été chorégraphe sur le jeu, consultant sur pas mal de choses. Donc voilà, ils ont pas mal mis ça dans leur com. Et puis, le creative director du jeu, c'est Jordan Layani, et lui, il fait partie de cette école. Donc c'est même en allant, je crois, à l'école qu'il s'est dit, bon, j'ai envie de pousser ce truc-là de Kung Fu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la création du jeu, si ce n'est que y a pas mal de choses qui ont bougé. Ce qu'on sait surtout, c'est cette histoire de structure, l'espèce de double vie un petit peu à la Sekiro, et on expliquera pourquoi après, mais qui a pas mal évolué en fait au cours du développement. C'est intéressant parce qu'en fait cette notion-là, on va pas en tirer grand-chose vraiment pour tout l'épisode, mais c'est intéressant de voir comment une mécanique peut évoluer et comment un studio va s'adapter tout simplement à rendre le jeu fun. Parce que pour situer vite fait Sifu, je sais pas si on l'a vraiment dit, mais c'est un beat'em all avec pas mal de duels contre des boss, et il y a cette notion, il va y avoir des parades, des esquives et compagnie. Donc le but, c'est comment est-ce qu'on fait un jeu de combat dans ce contexte. Et à la base, ils partaient sur une barre de structure, ce qui s'appelle posture dans Sekiro. Donc si on inverse, c'est normal, c'est parce que c'est un peu confus dans notre tête. Et l'idée, c'était, il faut vider la barre de structure de l'adversaire, qu'on peut un peu assimiler à une barre de vie, concrètement. Et l'idée, c'était que donc cette barre, elle est pleine, et on peut faire que des parades. Au début, on va parer ses coups pour essayer de la vider, et quand elle passe sous un certain seuil, l'idée, c'est que ça va t'ouvrir certaines fenêtres. Ça symbolise le fait qu'il commence un peu à faiblir, tu vas pouvoir te permettre certains trucs, tu vas pouvoir le balancer contre un mur, lui foutre certains coups ou quoi. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, finalement, ça marche pas. Enfin, y a cette idée de passer un seuil et de devoir juste parer au départ pour ensuite pouvoir être offensive dans une deuxième partie du duel, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, et ils sont passés à autre chose. C'est ça, en fait. Déjà, il y avait le côté diagnostic. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas vraiment? Il y avait cette idée que tu laisses trop le boss parler, entre guillemets. C'est-à-dire, tu vas juste parer. Il y a un côté un peu, tu subis. Il n'y a pas de dialogue, c'est ça. Tu subis, c'est un peu la même chose si tu dois recommencer le combat et il va se passer un peu la même chose. Il y avait des animations de parade qui étaient un petit peu lourdes, ils voulaient retranscrire un certain réalisme au début, parce que comme tu l'as dit, école de kung-fu, il y avait cette volonté d'avoir ça en jeu, c'était un peu long, donc il y avait ça. Il y avait aussi l'esquive qui du coup ne servait à rien, puisqu'elle n'était pas liée à cette jauge de structure. Et voilà, c'était ça déjà le diagnostic. Et du coup, en solution, ils ont décidé d'ajouter une barre d'étourdissement. Ils se sont dit, finalement, on va déjà rajouter un petit truc, on va rendre l'esquive viable en faisant en sorte que si tu esquives, tu peux punir après, et ça va remplir un petit peu cette jauge d'étourdissement. Il y a la parade, ils ont dit, on va plus faire des parades lourdes ou quoi, on va couper un peu au réalisme, on va cutter les animations, à faire des trucs beaucoup plus rapides, on est un peu plus dans de la fantasy, mais tant pis, c'est pour le mieux, c'est pour le jeu. Et il y avait des coups qui, du coup, n'étaient que parables, des coups que tu peux esquiver, des coups que tu dois parer, pour que ça instaure un petit peu un rythme, un échange entre le dialogue. Il y a eu une inspiration Sekiro, justement sur ça, sur le côté échange. En fait, à un moment, ça va être un peu au boss de jouer, à un moment, ça va être à toi. Donc, il y a quand même des différences fondamentales qui restent, puisque dans Sifu, il n'y a pas de barre de vie. Techniquement, il y a une barre de structure qui s'assimile pas mal à une barre de vie, et une barre d'étourdissement qui s'assimile, du coup, à la barre de posture de Sekiro. Bon, ça devient compliqué, surtout si vous connaissez parce pas que Sekiro. La barre de structure, concrètement, quand tu la vides, il meurt. Donc, tu vois, les gars se relèvent pas. Donc, on considère qu'ils sont morts. C'est ça. ça. Ouais. Mais voilà, ça a pas mal évolué et effectivement, je pense que ce qui est à retenir, c'est que bah ils ont essayé pas mal de petites choses avant de revenir à un système avec ces deux barres et qui clairement était inspiré par Sekiro parce que Sekiro sort en 2019, ouais. En février 2019 et bon ils pouvaient avoir quand même la ref. Quoi. Sachant que 2019, j'avais écouté un podcast sur Merugazu, ils avaient reçu quelqu'un qui avait bossé sur le jeu. En gros, début 2019, ils sont en train de bosser sur la vertical slice. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ils ont encore un moment où tu peux incorporer. Ouais, c'est ça. Ils ont encore une certaine flexibilité pour adapter aussi le jeu par la suite. Quoi. Et ce qu'on rappelle, ce qu'est une vertical slice, si jamais vous débarquez dans l'épisode, c'est une toute petite portion du jeu, mais qui doit être le plus fini possible, rendre compte du rendu final du jeu et qu'on va pouvoir pitcher à des éditeurs et des choses comme ça. L'image que je donne à chaque fois, c'est vous prenez un gâteau rond, la façon gâteau américain, vous en donnez une tranche à une personne. Cette tranche est censée représenter l'intégralité du reste du gâteau. Et c'est vertical slice. Oui, c'est ça. D'accord, mais c'est, et c'est l'image. C'est vraiment l'image. Oui, non, mais je sais. Ah, pardon, ok, donc, je croyais que tu te foutais de ma gueule. Tout petit peu. Non, effectivement, c'est ça. Donc, c'est la grosse étape. Après, c'est à pas confondre avec le prototype où là, c'est beaucoup plus basique en termes de design, de DA. Enfin, t'as potentiellement rien. Tu vas juste avoir des blocs ou quoi. Le level design n'est pas forcément fait. La vertical slice, potentiellement, t'as un niveau où en tout cas, c'est bien. C'est un minimum incorporé quoi dans le. Ah oui, de toute façon, c'est ça. Ça va être une section de gameplay entre 20 et 40 minutes que tu peux montrer, que tu peux jouer techniquement. Ouais. T'es censé pouvoir la jouer. Normalement. Il y a souvent des trucs fake, mais voilà, mais c'est normal. Mais je veux dire, c'est vraiment avec ce genre de choses en général, tu vas aller voir un éditeur, tu vas aller voir des financeurs, des choses comme ça quoi. Et ben justement, on parle d'éditeur, donc c'est édité par Kepler Interactive et c'est une entité un petit peu particulière. On avait envie de s'y intéresser vite fait. En septembre 2021, on apprend donc que Slowclap fait désormais partie de Kepler Interactive. Et qu'est-ce que c'est Kepler Interactive ? C'est une sorte de conglomérat de plusieurs studios qui se sont réunis ensemble pour pouvoir mettre en commun des moyens et avoir une sorte d'être un éditeur, d'agir comme un éditeur à plusieurs. Alors évidemment, c'est pas une initiative qui est juste venue des studios, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Kowloon Knight, voilà, si je dis pas de bêtises, qui est hongkongais. Oui, a priori, en tout cas, ils sont basés à Hong Kong, du coup, et eux, ils ont été backés notamment par Tencent, hein, qui est évidemment l'énorme entité chinoise que vous connaissez. Et donc, ce truc de Kepler Interactive, c'est vrai que c'est intéressant, cette structure-là, puisque c'est pas un full éditeur, c'est vraiment une association de studios qui mettent en commun, comme tu l'as dit, leur expérience, leurs différentes ressources éventuellement. Il y a 7 studios en tout dedans. Actuellement, ça représente 250 personnes à peu près, donc ça commence à ça fait un petit peu du monde. Alors, il y a les gens de Slowclap, j'avais noté le studio A44, qui avait sorti Ashen, ça c'était sorti avec Annapurna Interactive, semble. Et puis il y a aussi le studio Ebb Software qui a récemment sorti Scorn, le jeu scrogneux dégueulasse. Pour moi, c'est l'esthétique scrogneuse. Il y a du sang, il y a des herbes, des trucs moches, de la Après, chair. Après, Alt 236, Alt Hugo Terra, bienvenue dans les scrogneux. Abîmes de scrogneux. Oh là là, la chaîne, le concept. Ah oui, oui. Moi, j'ai passé le week-end avec lui, c'est bon, j'ai le droit de me moquer. Du sang et des tripes, ça va être vraiment cool. Donc voilà, il y a plusieurs studios comme ça et ils ont commencé d'ailleurs à sortir des jeux un petit peu cette année entre Sifu et Scorn. Ce qui est intéressant, pourquoi on s'attarde dessus ? Parce que c'est un modèle qui nous semble un peu alternatif justement à tous ces structures indés, ces studios indés qui doivent passer des deals avec des labels indépendants. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Slowclap avec Devolver à l'époque. Là, il y a un côté plus... ils vont plus posséder finalement aussi leurs moyens d'édition parce que chaque studio, tous leurs leads sont à une sorte de table virtuelle entre guillemets où ils vont pouvoir orienter en fait les décisions. Le conseil des sages et tout. Ouais. C'est ça que... La copropriété. Oui, voilà. Non, mais tu sais, il y a une idée de circuit court entre guillemets, c'est-à-dire c'est comme une sorte de coopérative, tu vois, d'agriculteurs. À grande échelle, adapté aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, ils gardent une certaine mainmise sur les moyens de production et du coup, j'imagine aussi sur le marketing et peut-être la distribution. Enfin, bref, tout ce qui incombe en général à l'éditeur. L'idée, c'est aussi d'avoir des antennes, par exemple, de QA testing, de ressources humaines et de partager ces structures-là parce que finalement, ça leur permet c'est quelque chose qui est clairement partageable à plusieurs studios. Et puis, il y a aussi cette idée que même créativement, chacun de ces studios, ils puissent échanger, se partager des conseils, etc. ou même se donner des avis. Par exemple, il y a un jeu qui est, il y a une vertical slice, tous les autres studios ou les leads peuvent au moins y jouer, faire des retours, etc. Donc, il y a aussi cette idée de pouvoir se tirer vers le haut collectivement et de partager les connaissances, etc. Chose qui existe, en fait, déjà chez des gros éditeurs, tu vois, les PlayStation Studios ou quoi, t'as un lead qui peut jouer un autre jeu de Sony et faire des retours. J'imagine qu'en interne chez Ubisoft aussi il y a ça. Et c'est un des soucis que peuvent connaître des studios ou des devs qui sont indés, c'est qu'ils n'ont pas forcément ces retours à disposition juste là de gens confirmés de l'industrie, quoi. Ouais, ou qui sont isolés en fait, tu vois, parce que bah les mecs, je crois, de Ebb Software, c'est voilà, c'est en Europe de l'Est, je sais plus quel pays, si c'est pas des Tchèques ou quelque chose comme ça, je sais plus. Aucune idée. Mais bah voilà, tu vois, c'est pas forcément pareil que des gens qui sont en France, etc. Donc voilà, ça permet de partager les ressources, c'est intéressant. Et voilà, c'est tout le c'est vraiment le début de cette entreprise. Et ils disaient qu'ils sont encore ouverts à peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent, mais voilà, avec l'idée vraiment de valider, il faut qu'il y ait quand même une proposition, un minimum qualitative. Et tu vois qu'entre Sifu et Scorn, tu vois, ils ont envie de sortir de l'indé un petit peu gros muscle, quoi. Hein, voilà, ouais, exactement. Ouais. Bah, ce qui est de toute façon la tendance globale, c'est-à-dire que là, je sais pas à combien de vagues on en est du jeu indépendant, je demanderais ça commence à mettre Bardet les compter maintenant. De nous expliquer, mais en gros, la problématique actuelle des jeux indépendants, c'est que les moyens de production vraiment explosent. On se retrouve avec des jeux indés où, il y a quelques années, faire un jeu avec un demi-million d'euros, c'était déjà beaucoup, tu vois, c'était déjà avec un scope quand même assez élevé. Aujourd'hui, on a des jeux comme Sifu, comme Stray, bon, qui ont reçu l'aide de PlayStation, mais voilà, en fait, on a ces petits jeux qui commencent à flouter la frontière entre le double A et le jeu indépendant à gros budget, quoi. Donc, et c'est vrai que ben, la plupart des jeux indés, aujourd'hui, ils vont essayer de se démarquer avec vraiment une production value, avec un style visuel éclatant et tout ça. Et pour ça, ben, on le sait, il faut du blé, quoi. En fait, ce qu'on se disait aussi, c'est que maintenant, c'est vraiment fini cette lecture où d'un côté, il y a les triple A et de l'autre côté, il y a les petits indés. Maintenant, c'est vraiment un spectre où sur tous les budgets, on peut trouver des jeux qui existent de 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 60 millions, enfin, sur toute la règle graduée, on peut trouver des jeux qui sortent et qui ont été faits avec ce budget, quoi. Et en termes de pricing, Sifu est sorti à 40 euros, bon, t'as toujours des AAA qui sortent à 50 euros, ça se trouve toujours de temps en temps sur PC ou quoi, souvent ça va être entre 60 et 80, mais du coup t'es plus si loin que ça de certains jeux et d'autres que tu vas trouver en solde. Mais là, je veux dire, tu vois, vraiment concrètement, tu vas voir aujourd'hui un financeur ou des business angels ou quoi que ce soit avec un projet indé qui coûte moins d'un million d'euros, les mecs te reçoivent même pas, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment sur une logique d'augmentation des budgets depuis plusieurs années, qui fait que ben il faut venir avec des projets qui vont coûter plusieurs millions, parce que sinon les gens ne vont pas sortir ouvrir le portefeuille pour t'aider. Le jeu sort, la réception est plutôt positive, hein, on est à 79 sur Metacritic, voilà, c'est pas non plus incroyable, on reviendra peut-être pourquoi, sur les raisons de c'est pas si incroyable. Le jeu se vend bien par contre, ça on peut le dire, c'est que la campagne marketing et l'image, je trouve que c'est un jeu qui avait vraiment qui a tout de suite su mettre son charisme en avant, et c'est vrai, bah, on avait tous envie d'essayer. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait un petit live, on disait c'était quoi nos attentes pour 2022, voilà, Sifu. Il clairement, était dans, était ouais, dans clairement. Les. On avait quand j'avais eu accès à la démo, j'étais super content de me dire ah ça y est, je vais pouvoir jouer à Sifu, parce que bah déjà il a cette esthétique très particulière qu'on avait déjà chez Absolver, mais qui là en plus va un petit peu plus loin. Il y a vraiment une identité graphique qui est très forte, je trouve, dans les jeux slow clap, tu vois, qui c'est du low poly, mais en même temps ils ont quand même un certain sens du détail. Il y a une utilisation des couleurs qui est assez folle hein, dans Sifu, ils se font non, plaisir là-dessus. Artistiquement, voilà. Puis les trailers, ils envoyaient du pâté, parce que tu voyais vraiment bah, le personnage, le héros. Donc le mec qui vieillit au fur et à mesure avec des grosses séquences d'action et de tatane dans la tronche, tu vois ça, t'es là, oui, moi je veux jouer à ça, quoi. Et la démo, c'était le niveau de la boîte de nuit, donc en plus, visuellement, ça marchait bien. Ça marche à fond. Ça sort, nous avons évidemment droit, alors juste, je reviens juste, oui, ça se vend bien, c'est presque 500 000, je crois, en quelques jours, donc c'est déjà gros score, et puis ça a passé le million très très facilement, donc quand même grosse réussite. Hein. Sachant que, encore une fois, tu l'as dit, on le répète, c'était une exclue PlayStation temporaire, donc qui sortira sur Xbox que l'an prochain, et elle arrivera sur Steam aussi, probablement en février-mars, voilà, c'est souvent 2023, parce que souvent les deals, c'est un an avec, équipe, avec Epic, pardon. Donc on a encore le jeu a le temps d'avoir encore une deuxième vie là d'ici février, donc ça plutôt bon succès commercial. On a eu droit à un immense débat sur la difficulté, voilà, évidemment c'est le jeu qui a remis une piécette, merci, ça nous avait manqué depuis depuis Returnal. Mais il est sorti le même mois que Elden Ring, en fait. Oui, je suis en train de me faire la fait. Réflexion alors un tout petit peu avant, voilà, ça permettait de chauffer un petit peu le terrain, et voilà. Finalement on l'a pas eu, le débat difficulté avec Elden Ring. Effectivement, peut-être qu'on en parlera un jour d'Elden Ring dans cette émission. C'est pas sûr, hein, je veux pas vous faire de. Faut pas faire de promesses. On ne sait pas. C'est fin... Vous pensez que c'est fin du game, même le Elden Ring? Je sais pas. Les jeux From Software, est-ce qu'on en parle, nous? Mais je sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Don't hold your breath, comme on dit en anglais. Donc, juste pour revenir, donc voilà, débat sur la difficulté, etc. Le jeu est trop difficile. Alors, c'est vrai qu'en plus, par la suite, il y aura un mode facile et un mode plus difficile qui sera ajouté. Donc, voilà, on voit que encore une fois, les mouvements sur Twitter peuvent influencer les destins des jeux. Au-delà du mouvement sur Twitter, c'est-à-dire que là, pourquoi on parle d'un vrai débat sur la difficulté? Parce que c'était pas juste un débat Twitter, c'est-à-dire que ça a pris de l'ampleur dans les médias tradis. Tu vois, t'allais évidemment avoir un article un peu putaclic chez Kotaku, t'allais avoir un truc chez Polygon. Mmh. Tout le monde allait aller un peu de son analyse sur la difficulté du jeu qui est avérée. Enfin, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est relativement exigeant et de toute façon, eux, assez rapidement, ils ont annoncé sur leur roadmap qu'ils allaient intégrer un mode facile. Et ils continuent d'ailleurs, puisque là, au moment où on va sortir l'épisode, ils ont sorti une sorte de petit mode d'enregistrement qui permet de faire des petits ralentis, petit mode un peu cinématique en fait, où vous faites vous-même vos petits gifs, on va dire, de super attaque. Et puis il a été sélectionné au Game Awards, la catégorie jeu d'action, je crois. Et peut-être, je crois, dans la catégorie Game of the Year, non? Sifu, je sais plus. Ah non, c'est Stray peut-être qui est dedans. Tout à fait. Bref, il a eu plusieurs suspense, les Game Awards. Oulala. Qui va gagner? On ne sait pas. Quoique. Est-ce que ça sera God of War ou Elden Ring? Moi, l'année où Sekiro a gagné face à Death Stranding, j'aurais pas forcément parié dessus. Hein, donc, Koji. Kojima, de toute façon, c'est son. Est-ce que c'est pas le moment de. Est-ce que c'est justement pas le moment de donner notre petit pronostic? Voilà, bon, Elden Ring. Oui. Ah, franchement, là, s'ils font pas gagner Elden Ring, vous êtes passé à côté de ce qui s'est passé dans l'année. On en a rigolé parce que là, moi, je reviens d'un week-end où j'étais à Toulouse pour le Toulouse Game Show et donc il y avait les devs de Plague Tale qui sont venus nous dire bonjour. Et eux, ils sont aussi dans la catégorie Game of the Year, mais bon, voilà. Et je veux dire, ils sont lucides quant à leur chance. Très bien, on va pouvoir passer à l'histoire de Sifu. On va passer dessus assez rapidement parce que finalement, c'est très simple. Ça reste une histoire de vengeance, ma foi, assez classique. J'ai noté Kill Bill. Voilà, alors il y a eu un mais pas que qui s'est glissé. On ne sait pas qui l'a écrit, mais voilà, ça a été écrit. Oui, d'ailleurs, vous le savez. Sincèrement, pas qui. Ouais, c'est vrai, on n'arrive pas à se souvenir. Il y a quelqu'un qui ment. Voilà. Exactement. Il y a un imposteur. Il y a que trois personnes qui peuvent écrire sur ces documents. Les trois prétendent savoir qui a écrit. Mais pas que, on ne sait pas. Bref. Donc, pourquoi Kill Bill? Parce que le jeu s'ouvre sur... on contrôle un personnage qui s'appelle Young, qui va revenir voir son maître slash daron, et qui va le tuer tout purement et simplement parce que, je sais pas, ils avaient probablement un différent, il lui a pas dit qu'il était fier de lui. Si vous avez vu Kung Fu Panda, c'est pareil. Hein. Oui, il y a effectivement bonne esthétique Kung Fu Panda, et qui va aussi tuer petit frère, petite sœur, ça dépend de qui on a choisi nous, puisqu'on peut incarner soit une femme, soit un homme, peu importe, qui va le tuer, et je tape sur la table pour bien montrer le marquage du meurtre, mais qui ne va pas réussir parce que cet enfant, qu'est-ce qu'il avait dans la main? Il avait un talisman magique, effectivement, et sachant les talismans magiques vous font revivre et vous donnent le pouvoir du jeu vidéo qui d'avoir un game over, et c'est parti, en fait, on peut continuer. Et c'est donc cet enfant qu'on va incarner, mais quelques années après, il va avoir le temps de s'entraîner, de visualiser à la fois Young, mais aussi toute son équipe, parce qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec ses poteaux différents, voilà. Il avait ses sbires. Exactement, il avait sa petite team Akatsuki, quoi. Et la vengeance sera terrible. On fait la séquence, le montage, où on devient de plus en plus fort, voilà, les muscles, on va à la salle, on prend de la protéine. C'est pas vrai, il n'y a pas de... il part dans son délire. Non, mais c'est justement ce super montage d'intro dont vous avez eu la musique tout à l'heure, voilà, sur fond rouge, où en fait on voit les différents boss qu'on va devoir se fader tout au long du jeu. Moi, j'avais trouvé cette mise en scène très réussie parce que ça te permet de structurer le jeu en amont, tu vois, tu te prépares en fait. Exactement. Et c'est ça qu'ils veulent représenter, je pense. C'est vraiment la préparation du type chez lui. Son unique raison de se lever le matin, tu vois, c'est de mettre des grosses tatanes dans la tronche. Shun, machinette, exactement. Truc, je vais vous comme dans, ou dans Game of Thrones, tu sais, il y en a un qui fait ça à un moment. C'était à ça que je pensais. Et donc, on arrive, on commence. Le personnage a 20 ans et ça y est, il peut se lancer dans sa grande quête de vengeance. Et on va traverser 5 niveaux. Et à la fin de chaque niveau, on va tuer un des personnages, un des sbires, jusqu'à tuer Young au dernier niveau. Voilà, une structure, ma foi, assez classique. On va traverser traverser des squats où il y a des gens qui bibillent de la drogue, on va traverser la fameuse boîte de nuit, il y a un musée aussi qui est peut-être le niveau, je pense qu'on peut le dire, qui est artistiquement le plus sympathique, le plus réussi. Et le plus original en fait, parce que du coup, tous les autres niveaux sont des, c'est un peu des archétypes classiques, tu vois, du jeu d'action. Parce que comme disait, la boîte de nuit, tu vas croiser ça dans presque tous les jeux ou tous les films, en tout cas d'action, à un moment il y aura ça. Les squats avec les petits labos de drogue, bon bah pareil. Bah, les voyous, quoi, voilà, les thugs, il faut taper la tour business, bon c'est pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, depuis Street of Rage, on sait que le boss il nous attend tout en haut de ce truc-là. Mm-hmm. Là, il y a quand même un petit twist, puisque la tour, on s'enfonce dans les souterrains là, de ce truc-là. Et enfin, à la fin, il y a le spa, on a dit. On a décidé que c'était un spa. On a dit, ouais, il y a un petit peu des monastères, mais on sent quand même qu'il y a des gens là, ils viennent pour se faire des petits massages, boire. On a dit, il y a écrit temple slash détox. Et c'est là où on pourra tuer Yang, puisque bah, voilà, probablement qu'il est assez détox. Bah, lui aussi, il a pris 20 ans dans les pattes, donc bah, forcément, il a envie de. Non, si, il a vieilli. Il a vieilli. Ah bah oui, il a les cheveux grisonnants. Ok, ouais, ok, j'avais pas trop fait gaffe, mais d'accord. Ce qui est sympa quand même, c'est que bon, il y a cet univers un petit peu réaliste, mais à chaque fin de niveau, donc il y a le boss, et chaque deuxième phase, ils se permettent des espèces de petites mises en scène un peu surréalistes, là, parce que bah, le premier ennemi, bah, qui est un peu justement dans les plantes, etc., on va se battre dans une forêt de bambou. Le deuxième, c'est le temple qui va s'enflammer. La troisième, c'est un délire un peu artistique avec de l'encre qui coule autour. Ouais, et t'as des vagues, etc. Ouais. C'est très joli. Donc voilà, c'est vrai qu'artistiquement, on avait parlé vraiment des couleurs. Là, chaque niveau a vraiment son identité, sa palette de couleurs. Et ils vont exploiter ça pour faire un jeu qui est quand même très plaisant à traverser visuellement. Après, vraiment, voilà, pour ce qui est de l'histoire, pourquoi ces gens-là sont dans un musée, pourquoi ils font de la drogue et tout, je ne sais. Mais de toute façon, j'imagine que ça doit pouvoir se lire sur le fameux tableau Velleda. D'enquête, effectivement, puisqu'on mène une enquête. On peut trouver des objets qui en racontent un petit peu plus sur ces persos, le contexte, mais effectivement, nous, on est là quand même pour se venger, surtout à la base. On les tue, globalement. Mm-hmm. C'est ce qui va arriver à 99,9% des gens. On va finir donc notre combat contre Yang et. Il y a une fin, pas vraiment une fin, c'est-à-dire il y a une voix qui nous parle sur fond blanc, qui nous dit juste d'une façon un petit peu, on va dire, secrète, voilà, exactement, qui a nous parlé du Wudé, nous dire que en fait la personne qui a vraiment la vraie force, et ben la force c'est aussi, on est tellement plus fort que notre adversaire qu'on peut l'épargner, et pas de crédit de fin. Et on reprend au tout début, à 20 ans, dans l'espèce de monastère hein, qui est celui du début du jeu, pas plus d'explications. Et en fait, il se trouve que si on va sur internet, on comprend que en fait, on peut épargner les boss. Ou alors, si on va dans l'armoire d'ailleurs qui propose des vêtements, il y a une tenue qui dit bloqué, il faut épargner Yang pour avoir le droit à cette tenue. Du coup, moi, dès le début, je savais qu'on pouvait épargner parce que j'ai été spoilé par mais les fringues. Tu vois, on peut se dire qu'on peut épargner peut-être le boss final, oui, mais tu peux pas forcément te dire, bah en fait, chacun des boss, et il faut tous les épargner. Ouais, c'est tous les épargner. Tu veux avoir la vraie fin entre guillemets du jeu, puisque la fin que tu vas avoir la première fois est considérée entre guillemets comme une mauvaise fin. Tu vas t'être vengé, le jeu te dit qu'il faut te venger tout du long, mais en fait il fallait pas se venger, et parce que la vengeance c'est pas bien, voilà. C'est pas très bien, on l'a appris grâce à The Last of Us 2. Voilà. Et pour rentrer dans juste le mini détail, c'est qu'il faut les épargner en fait deux fois. Ça, t'as une première fois où tu peux les achever et il ne faut rien faire, et ensuite la deuxième fois là s'affiche la possibilité de les épargner, et il faut faire ça pour chaque boss. Ouais, c'est assez compliqué parce qu'en fait du coup c'est comme chaque ennemi, on l'a dit, les boss ils ont toujours deux phases. La première phase, bon, vous pouvez leur péter la barre de structure, ça va. La deuxième phase, quand vous avez le prompt avec les deux touches qu'il faut appuyer normalement pour leur faire le finish, il faut pas le faire, il faut attendre un petit peu, et il y a un petit tooltip qui apparaît qui vous permet d'appuyer sur la flèche gauche de votre croix directionnelle. Parce que parfois on peut même parler à des gens qui nous disent qu'est-ce que tu fais là, tu peux dire je t'éclate, et voilà, c'est ça les dialogues, et il faut appuyer sur ce bouton là. Mais ce qui est vraiment important, c'est de faut pas leur vider leur barre de structure slash vie, parce que sinon on va les tuer. Il faut remplir la barre d'étourdissement, ce qui veut dire qu'en fait il faut pas trop les taper, il faut surtout parer, et ça veut dire que t'es arrivé, c'est ça le truc, c'est que t'es arrivé à un tel niveau de maîtrise qu'en fait t'as même plus besoin de les taper, juste tu pars quasiment tous les coups. Et ça c'est un truc en fait qui traverse plein d'arts martiaux différents, que ça soit chinois ou même d'autres origines, puisque du coup cette idée d'éviter le combat est en fait une sorte effectivement d'idéal. Tu vois, bon, moi j'ai fait pas mal d'années d'aïkido, et en fait idéalement si la personne en face ne t'agresse pas, bah ça veut dire que t'as gagné, parce que t'as pas besoin de te battre. Ou même si elle t'agresse, tu vois, t'as assez de contrôle sur toi pour ne pas le faire, comme Pierre Richard dans La Chèvre. quand il est avec Gérard Depardieu et qu'il y a un mec qui l'insulte et qui lui dit « Moi, la première chose qu'on m'apprend au karaté, c'est le self-control. On m'insulte, je ne réponds pas. » Tu te souviens pas de ça? Mais si, je m'en souviens. Mais c'est juste que, tu sais, pendant deux secondes, je me suis dit « Ouais, voilà, on va parler un petit peu de philosophie asiatique, tu vois, on va pouvoir parler des trucs et toi, tu me sors Pierre Richard. » Ben oui, moi, j'ai pensé, il fait du woodé, voilà. Ben oui. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, cette idée de parvenir à tellement dominer ton adversaire que tu vas détruire dans l'œuf toute volonté de sa part de se défendre ou même de continuer de l'agression, c'est un truc qui traverse vraiment beaucoup d'arts martiaux et qu'ils ont essayé de transmettre. Oui, parce dans que leur jeu. Je pense qu'on peut le dire, c'est quelque chose qui n'est absolument pas suggéré en fait tout au long du jeu, parce que comme tu le disais, bah, en fait la vengeance, elle est là. Il y a pas de petit dialogue où tu te dis hein, si jamais je devais pas le faire. Tu as le truc qu'on a dit qui est très sibyllin, qui te parle du Wu-Tang. Mais à la fin du jeu, tu l'as fait. Tu vois, oui, non, mais de toute façon, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que tu tues les gens pour ensuite faire non. Bah, ça, oui, c'est à la volonté. C'est ça, cette volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc-là de dire, en fait, pendant la durée du jeu, on aurait pu te questionner et en fait, peut-être j'aurais pu les épargner. Tu vois, que tu le devines un peu par toi-même. Tu dis, ah, en fait, ça se trouve, il y a une autre voie. Et quand tu termines le jeu, tu dis, eh ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. Oui. Alors que là, c'est pas le cas. Moi, je l'ai appris en regardant la liste des trophées sur Internet. En fait, sur le papier, le côté faire l'aller-retour, tu dis, okay, oui, pourquoi pas réaliser que, voilà, vengeance, et qu'en fait, tu réalises que tu pouvais les épargner depuis le début ou quoi. Mais comme on l'a dit, pour plusieurs raisons, c'est que bon, le truc, le woodé et tout, ça tient en deux, trois phrases, c'est vraiment pas clair. Et une première fois, même si tu les épargnes, il faut que tu le refasses pour que ça s'affiche. Tu sais, il y a un côté un peu, bon, vraiment, jamais j'aurais vu sans aller sur internet ou quoi. Tu peux pas forcément, c'est pas suggéré en fait. Il y a pas émotionnellement un truc où tu dis que mon personnage il regrette, narrativement, il y a rien quoi. Et même au-delà, non seulement le narratif, mais même dans les mécaniques de game design, on va avoir l'occasion d'y revenir là au fur et à mesure. Le jeu ne te pousse pas à aller dans cette direction à aucun moment donné, en fait. Il te récompense quand tu fais littéralement l'inverse. En tout cas, dans un premier temps, en fait, parce qu'il te... Encore une fois, il suggère pas forcément qu'il y a une autre voie qui est disponible. Puisqu'on est un peu sur les maladresses au niveau de cette histoire, c'est vrai qu'à la sortie du jeu, il y a eu quelques petites polémiques qui ont entouré l'utilisation, le jeu, comment le jeu pouvait s'approprier, pouvait utiliser l'esthétique asiatique, chinoise, du kung-fu, etc. Il y a eu quelques petites maladresses, notamment dans l'utilisation de mots, de tag, etc. Il y avait un article qui était sorti. Oui, apparemment, il y a des mots un peu random qu'ils vont mettre sur les murs et qui n'ont pas forcément de lien avec l'endroit où ils sont. Ou c'est juste, c'est un peu le cliché du tatouage que tu te fais faire l'été. Ouais, en fait, tu penses que ça veut dire fierté, et en fait, ça veut dire concombre. A priori, le mot est bon, mais tu sais, t'as le mot écrit en anglais à côté, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est un article sur. C'était quoi le nom du cinéma? The Gamer, qui a fait beaucoup parler de lui. Où tu avais, a priori, un coup, ça parle en cantonais, en mandarin, ce qui n'était pas forcément impossible, mais c'est un peu. Il y a des retours où on peut pas juger, de toute façon, mais a priori, c'était un petit peu bizarre d'avoir ces éléments-là mis comme ça. Quoi. En fait, on s'est dit peut-être que culturellement, le jeu aurait eu peut-être besoin d'un petit, ce qu'on appelle un sensitivity check, c'est-à-dire de pouvoir faire appel à des consultants qui sont d'origine chinoise et qui peuvent vraiment lire un peu le jeu et dire, ok, peut-être que ça, faut un peu le régler, etc., pour doser un peu les choses. Après, encore une fois, nous, on n'est absolument pas concernés, donc c'est difficile en fait de juger tout ça. Qui n'est pas forcément évident. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, cette histoire de sensitivity check, c'est un truc qui se fait depuis pas mal d'années maintenant dans tout un tas de jeux, les plus gros comme les plus modestes, puisqu'il y a des boîtes qui sont vraiment spécialisées là-dedans, qui vont en fait s'intéresser à tous les sujets peut-être un peu touchy, puisque vous le savez, l'univers du jeu vidéo maintenant, il fait de la politique depuis quelques années et du coup ils essayent de voir qu'est-ce qui pourrait peut-être être amené de manière un peu plus maligne, surtout quand c'est un jeu fait par des parisiens qui vont parler de la culture chinoise. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que au-delà d'une certaine volonté de représenter la Chine, comme ça aurait pu l'être, s'ils avaient fait une adaptation de Tigre et Dragon, un truc comme ça, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, et ça se ressent vraiment dans le jeu, c'est de mettre en scène et de rendre hommage au cinéma du kung-fu, mais non pas à une certaine vision de la réalité de ce que serait la Chine avec le kung-fu, etc. C'est vraiment les références cinématographiques. Et c'est un cinéma qui a différentes origines. T'as donc cinéma d'arts martiaux, donc notamment hongkongais, mais il y a aussi, The Red, qui vont souvent citer. Bon, c'est indonésien, le réalisateur il est gallois, tu vois. Il peut y avoir la ref à Kill Bill, il y en a John Wick de façon assez directe. Donc de toute façon, il y a déjà ce côté, il y a du Hollywood, il y a du Hong Kong qui était destiné aussi à un public pas forcément 100% chinois. Ouais, mondial. Donc, c'est ces refs-là qui déjà ne rendent pas forcément, n'ont pas volonté de rendre ultra hommage à la culture chinoise ou quoi, donc on se retrouve avec un mix comme ça, et bon bah c'est ce qu'ils voulaient faire, et là en l'occurrence il n'y a pas grand chose à dire. C'est des gens dessus, en fait, tu vois, plus ou moins de notre génération, je pense, ouais, que oui, c'est oui, vrai, oui, tu oui, vois, oui. Ça doit être des trentenaires slash quarantenaires qui ont grandi en fait dans les années 80-90 avec l'explosion de grandes stars du Kung Fu, tu vois, comme Jackie Chan, Bruce comme Lee. Jet Li, la fin, parce que bon, Bruce Lee était déjà mort, mais ouais. Du coup ces films-là en fait, et Bruce Lee, moi je vais on va pas refaire un historique du cinéma de Kung Fu aux États-Unis, mais il a amené en fait ce truc-là dans la culture populaire, il a rendu ça peut-être un peu plus accessible, et ça a ouvert la brèche à des centaines slash milliers de films qu'on connaît. Et c'est vrai que bon, là parmi les plus célèbres, il y a beaucoup de citations en fait directes dans Sifu qui sont très très cool, notamment la scène au tout début de Old Boy avec le fameux couloir là en 2D qui est repris tel et quel. Et ça c'est du cinéma coréen, et ça c'est, pas du, c'est même pas du coréen. Donc c'est vrai qu'ils vont brasser dans tout ce truc-là pour s'inspirer et faire leur jeu. Il y a même une conférence que toi que t'as regardé, Max, où justement ils montraient une scène de film et en fait ils essayaient de repérer les différents verbes, c'est ça ? Il y avait une scène de The Raid et une scène de Jackie Chan dans le Bronx, et c'est ça, c'était une scène de 5 secondes, et ils isolaient les verbes, donc tu voyais les verbes apparaître, ils avaient rajouté ils avaient fait un petit montage où c'était parer, esquiver, passer par-dessus le comptoir. En fait ils se remettent les scènes, les décortiquent et disent ok, qu'est-ce qui est passable en jeu vidéo en fait, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans un jeu, donc c'est les verbes interactifs, et c'est ça, c'est beaucoup ça le process. En fait leur matière première, c'est moins les jeux de combat que le film, que les films d'action. Alors oui, ils vont s'inspirer ensuite d'autres jeux, mais c'est ça la matière première, quoi. Et d'ailleurs, ce truc, typiquement Jackie Chan qui va toujours trouver des objets de son environnement un peu random pour pouvoir se battre avec une raquette de tennis, un corps des vêtements, une moto. Tout et rien. C'est vrai que ça, on peut le retrouver vraiment dans le jeu. Alors, ok, il y a des bâtons, il y a des battes, il y a des trucs. C'est pas tout et n'importe quoi, mais voilà, on va pouvoir faire glisser des chaises ou des tabourets sous les pieds des ennemis. On va pouvoir récupérer des bouteilles, il y a même dans le niveau du musée, il y a des petites ampoules de peinture qu'on va pouvoir lancer. Tu peux sauter sur le comptoir pour donner un petit coup de latte, il y a des trucs comme ça. Tu peux faire des petites glissades par-dessus des bancs, des chaises, etc. Donc il y a ce côté un petit peu chaotique, presque improvisationnel, qu'ils ont réussi à contextualiser avec des petits objets avec lesquels tu peux interagir comme ça. Même si, quand même, donc j'ai déjà cité l'inspiration principale, c'est quand même The Raid avant tout, parce qu'il y a un combat quand même plus brut, assez vénère, tu vois, sur les coups. Les coups que ça met, parce que Jackie Chan t'es quand même globalement dans la comédie, et ça c'est pas du tout quelque chose que tu vas retrouver dans Sifu. C'est pas la tonalité de Sifu. Et d'ailleurs le premier niveau, les squats, ça fait pas mal de références à The Raid. Ah ouais, clairement. Le fait qu'il monte comme ça d'escalier, d'étage en étage, en tabassant les types, si vous l'avez pas vu The Raid, on vous recommande. C'est très cool. Et d'ailleurs même tu vois, tu parles de coups brutaux, c'est vrai que là sur l'animation, les feedbacks, vraiment sur le côté punchy, les zooms qu'ils arrivent à faire dessus, franchement on le voyait déjà dans les trailers en fait. C'est ça qu'on avait envie de faire, c'est tout tout tout comme ça, et il te met un dernier coup et le mec il tombe à terre, il tombe t'as dans les pommes. Super mouvement de caméra, tu as vraiment ces séquences. Alors t'as pas le mouvement comme dans Ip Man où il fait vraiment un enchaînement et le type en fait il le fait plier tellement il le fait descendre comme ça vers le sol. J'adore cette scène là dans Ip Man, mais t'as vraiment des finish moves qui sont super cool, quoi. Et là-dessus au niveau gestion de la caméra et dynamisme, ils ont vraiment cinématographiquement ça marche. Le jeu, clairement, il a vraiment de la gueule. Même la séquence avec Oldboy, ça c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il l'avait mis dans les trailers, c'est que on le revit, ça marche bien, il y a un bon rythme, etc. Et je sais plus si tu l'as dit, mais en plus il y a des interactions entre les différents ennemis, tu vois. Si t'en as un au sol, t'en as un autre qui peut trébucher dessus, tu peux les jeter les uns contre les autres. T'en as un qui a une batte de baseball, et il peut taper son pote si jamais t'as esquivé ou quoi. Donc en plus t'as ça qui rajoute vraiment de la nouveauté si tu refais des runs. Ouais, t'as cette sensation un peu de brawl, tu vois, d'espèce de grosse bagarre comme ça avec plein de gens, et finalement que les ennemis peuvent plus se parasiter les uns les autres parce que toi t'esquives. Et ils attendent pas les uns à la suite des autres. On n'est pas dans du Assassin's Creed ou du Batman où on est vraiment que dans de la réaction. Là, il faut quand même un peu maîtriser son environnement. Si t'en as 3-4 sur toi, vaut mieux dégager. Il faut prendre un peu de recul. Exploiter ton décor, envoyer les adversaires les uns sur les autres, etc. C'est l'occasion d'en parler. Il y a quand même une mécanique dedans qui est la jauge de domination dedans. Et si tu te débrouilles très bien à Sifu, il y a plus d'ennemis susceptibles de t'attaquer. En fait, donc il y a quand même cette notion de ticket, on appelle ça. Où où les IA autour de toi ont le droit de t'attaquer ou pas. Donc typiquement dans un Assassin's Creed, en tout cas les premiers, c'était chacun son tour. Voilà, il n'y avait pas il y a un ticket, on va dire, pour tout le groupe. C'est l'URSSAF, voilà, la CAF du Midi Limousin. Où t'as aussi ça dans Doom, ça fait partie des petits tricks en fait. Mais dans Doom, les tickets en fait ne sont pas donnés aux monstres que tu ne vois pas. En général, ceux qui sont derrière toi vont pas trop t'attaquer. C'est ceux qui sont dans ton champ de vision qui vont le faire. Et là, bah du coup, il y a plus ou moins de tickets qui sont donnés en fonction de ta maîtrise du jeu. Donc voilà, c'est vrai que ça marche très bien à ce niveau-là. Et puis on l'a déjà dit, la DA, les arènes, le décor, tout le décor du jeu, bah aussi donne des séquences qui peuvent être assez marquantes. Encore une fois, je pense au musée. Il y a toute cette scène là, on rentre dans une espèce de salle où il y a juste deux grosses pierres comme ça qui forment une sorte de petit cercle qui est coupé en deux. Il fait tout noir, il y a de la pluie, et t'es au milieu et tu dois taper contre plein d'ennemis qui arrivent un peu des ombres comme ça. C'est vrai que ça c'était assez réussi. Et chaque niveau à des petits moments comme ça où tu vas pouvoir t'en souvenir. Ouais, la boîte de nuit, c'est très cool. La boîte de nuit, elle fonctionne bien parce qu'en plus, il y a même des changements de couleur parfois en fonction de chaque ennemi que tu tabasses. La couleur va changer au fur et à mesure. T'as le niveau du coup là du gros building où t'as cet énorme ascenseur qui descend. Voilà, bon, évidemment, ça c'est une séquence qu'on a vue dans 30 millions de jeux vidéo, mais ça fonctionne toujours bien. Ouais, et encore, tu vois, dans un jeu de combat comme ça, mise en avant comme ça, dans du jeu de combat en 3D avec cette espèce d'intensité. En 3D, tu vois, 30 millions. Un par exemple, qu'est-ce qu'on en a comme jeu? Tous les Devil May Cry ont une séquence dans un ascenseur. Oui, c'est vrai que tu vois, je pense maintenant, Bayonetta, il y a un truc où au tout début, effectivement, il y a des moi, mouvements. Je pensais bêtement beaucoup plus vieux que ça, tu vois, Street of Rage, qui est vraiment un peu un fondateur dans ce style-là, où tu as justement une séquence où tu montes dans le building pour aller d'accord, raconter oui, le boss oui, de fin, okay. Comme ça, quoi. Tu peux même appeler la police, du coup, qui bombarde l'ascenseur sur lequel tu es. Ils sont trop forts. C'est la police, c'est la police. Ils peuvent le faire. Très bien. Ils ont des lance-roquettes. C'est Macron. Donc, on a parlé de tout ça qui est assez réussi. Maintenant, on va peut-être passer vraiment à ce qui rend le jeu un peu spécifique. Et c'est notamment cette fameuse mécanique de vieillissement qui est la feature sur laquelle ils ont beaucoup communiqué. Voilà, on le voyait dans les trailers, le jeune personnage qui va vieillir, qui ne perce pas ses cheveux, lui, voilà, parce que voilà, vraisemblablement, dans cette catégorie de population, on ne perd pas ses cheveux. Voilà. Mais la barbe pousse quand même bien correctement. Ce segment était présenté par le seum de Hugo. Faut dire que dans cette... Bref. Voilà, il y a vraiment cette mécanique de vieillissement. Comment ça marche concrètement dans le jeu? En fait, c'est... On va progresser dans le jeu. À chaque fois qu'on meurt, on va prendre une année supplémentaire. Voilà, la première fois qu'on meurt, on a 20 ans. Et ben, on va passer à 21 ans. Mais on se relève directement au milieu du combat. On ne revient pas en arrière. On se relève juste un petit peu plus vieux. Voilà, on est resté un an par terre. Et on se relève, putain, oh, qu'est-ce qu'il fait? Ils l'ont laissé là, comme ça, dommé pendant un an. Bref. Et surtout, c'est que si au cours d'un même combat, on remeurt, cette fois-ci, il y a un compteur de mort qui s'ajoute et on va pas non prendre un an, mais deux ans, voire trois ans, quatre ans. C'est-à-dire que si vous mourrez une fois, vous allez perdre un an. Si vous mourrez une deuxième fois, vous allez mourir un plus un, deux, et ensuite trois, exactement. Et directement cinq, sept, neuf, et ça peut aller très vite. Et même si tu meurs beaucoup plus tard, un autre oui, combat, ça, ou même un autre niveau. T'as un compteur de mort qui est affiché. Tu peux soit baisser de un en tuant certains ennemis, ou le remettre à zéro en investissant, pas en investissant, mais bref, en allant à certaines statues qui sont là. Il y a une ressource à dépenser auprès d'une statue dragon et tu dois pas faire toujours, le choix. Pas toujours, mais faut que, là, je crois que c'est là, il faut que tu aies moins de 40 ans ou 20 ans. C'est compliqué aussi. Il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. En tout cas, ce qui est important, évidemment, c'est qu'au bout d'un moment, parce que toutes les dizaines d'années, tous les 10 ans, on passe à un nouveau stade et arrivé vers la décennie 70, c'est bien la fin. Tu vas et une fois que tu passes cet âge-là, tu meurs. Et là, c'est une mort permanente, entre guillemets, c'est-à-dire que tu ne peux pas continuer le jeu et tu dois recommencer. Disons qu'il y a un système de checkpoint, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu termines un des niveaux, le jeu enregistre à quel âge tu l'as terminé et tu peux au mieux recommencer à cet âge-là. Donc si tu arrives au dernier niveau à 70 ans, t'as que deux chances de le terminer. Ça va être dur. Le jeu, en fait, assez rapidement te fait comprendre qu'il faut que tu joues mieux pour que à chaque niveau, tu arrives avec un âge de plus en plus jeune. Et idéalement, tu finis le jeu à 20 piges, quoi. Idéalement, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'objectif final, parfait, de ne jamais mourir. Mais concrètement, oui, l'objectif, ça va être très vite. Tu vas comprendre que tu vas recommencer le premier niveau et te dire, faut que je meure de faim. Faut que j'ai 22, 23 ans en sortant parce que sinon, ça va être compliqué. C'est à toi de voir, en fait, quand t'es satisfait. C'est-à-dire que, effectivement, si le dernier, t'as 50 ans, c'est jouable. Tu vois, ça peut se faire. Mais il y en a, ils vont dire, non, vraiment pas, je veux avoir plutôt 40. Donc, c'est à toi de sentir, de voir à quel point tu te sens confiance à partir de ton dernier âge. Et à partir de là, tu peux dire, bon, quel niveau est-ce que je peux recommencer? Quel âge est-ce que je peux baisser? Est-ce que j'ai beaucoup galéré à tel moment et en fait, je peux quand même moins mourir? Et comme on l'a dit, ça structure tout le jeu parce que tu as aussi des raccourcis qui sont débloqués pour que les niveaux soient plus courts à faire. Parce que bah, typiquement, le premier niveau, quand tu le fais, bah, tu auras peut-être, on va dire, 35 ans et tu vas dire, bon, en fait, je peux le recommencer, sachant qu'en plus, il y a des raccourcis, donc c'est beaucoup plus jouable en fait, d'être plus proche des 20 ans la deuxième fois que je le fais que des 35, et c'est le cas pour quasiment tous les niveaux. Oui, il y a des gros raccourcis, et notamment, bah, encore une fois, celui du musée, tu débloques la carte de l'ascenseur, et là, tu skips vraiment trois quarts du niveau, et t'as juste un ou deux combats, et voilà. Ouais, t'as les deux types à l'accueil, et t'arrives au boss. Après, c'est monté au boss. J'ai quand même un tel moment où tu tombes un peu dans un truc un peu bizarre avec des couleurs, dans des couloirs. Non, c'est skippé aussi. Ouais, c'est pas direct. Je me suis trompé. Mais du coup, voilà, c'est vrai que tu vas pouvoir effectivement non seulement te farcir beaucoup moins d'ennemis, donc moins de risques de vieillir, et puis après, bah, avec ta connaissance des niveaux, et logiquement, là, on peut tu vas parler rapidement. C'est ce fameux système d'enquête, entre guillemets, où en fait, en explorant les niveaux, tu vas parfois trouver des objets, où tu vas pouvoir éventuellement discuter avec un personnage dans une zone plus ou moins cachée, etc., et débloquer ces accès pour les prochaines fois. Alors, pour le coup, les raccourcis, c'est obligatoire, il me semble. C'est sur le chemin critique, t'es obligé de trouver quand même, ouais, je crois, une clé ou une carte. Caché. Par contre, voilà, les enquêtes, t'as des trucs optionnels. Tu vas pouvoir découvrir une clé pour une porte. Et évidemment, voilà, t'as d'autres salles avec des ennemis plus ou moins forts dedans. Tu comprends pas forcément ce qui se passe, le pourquoi du comment. Ça t'aide à enquêter un peu sur les boss, mais voilà, c'est compliqué. C'est du side content, on va dire. Nous, tu te perçois, c'est pas un truc qu'on a. Ouais, non, on va pas trop creuser là-dessus. Bah, surtout qu'encore une fois, bah, dans le cheminement naturel du jeu, c'est pas quelque chose qui est encouragé. Tu vas chercher à éviter le plus d'ennemis possible et te farcir et être le plus jeune possible à la fin. C'est vrai que ça peut être source de frustration parce que tu sais pas forcément. Et bah oui, tu fais un truc comme une ou quoi. Et tu te retrouves face à. Typiquement, la boîte de nuit, tu peux monter un escalier, t'as genre 4-5 ennemis qui sont en haut, qui ont des statues, et ça te mène à un DJ pour t'aider pour je sais même plus quoi. Et ben voilà, c'est pas du tout le chemin à prendre, donc tu dois revenir, tu fais putain, vas-y, j'ai perdu 4 ans. Le DJ, il faut pas le taper, parce que moi je l'avais croisé la première fois. Je l'ai mis direct, non, je vais dire, t'existes. Et ouais, voilà, tu existes, donc je te tape, parce que bah, le jeu, de toute façon, ne t'explique pas autre chose. Et bon, on y reviendra, mais par rapport à ce système de vieillissement, c'est un système qui est très cool à mettre en scène et qui fonctionne très bien dans les trailers, parce qu'on comprend qu'il y a cette espèce de twist, on va dire, par rapport à la formule habituelle des roguelike, parce que c'est pas le cas, hein, c'est pas du tout ce jeu-là, mais il y a quand même cette volonté de nous mettre une sorte d'échéance de attention, au bout d'un moment, tu vas mourir pour de vrai, il y aura un vrai game over, et il faudra soit recommencer de zéro, soit revenir quelques niveaux en arrière et essayer de mieux jouer. C'est vraiment ça, hein, le message du jeu, c'est d'être better, c'est Kratos. Oui, c'est ça, vraiment le... Be better. Ah, c'est pas ce better-là, mais... Enfin, en tout cas, pas au début. Ouais. Mais oui, c'est ça, pour vraiment faire la différence avec soit un roguelike ou même des, tu vois, des beat'em all plus classiques ou quoi. Une fois que t'as terminé le niveau, c'est pas la dernière fois que tu le vois. Tu vas vraiment, c'est au cœur de la proposition, tu vas recommencer ce niveau dans l'optique de baisser ton âge quand tu le termines, donc de t'améliorer par rapport à l'autre fois. Et ça, c'est le cœur du jeu. C'est ce que le jeu veut que tu fasses. Et donc, le truc qui est associé au vieillissement et qui peut commencer à proposer, à mettre en place une certaine confusion, c'est qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi quand tu vieillis, le jeu, en fait, te propose d'avoir moins de vie, mais en échange, tu vas faire plus de dégâts. Ça ne pas, il te l'impose. Enfin, oui, il l'impose. C'est la mécanique, en fait. C'est que plus tu vieillis, tu vas devenir une sorte toutes de... Toutes les décennies. Voilà, exactement. Tu fais de plus en plus de dégâts à chaque coup, mais par contre, bah, tu es beaucoup plus fragile. Donc, il y a cette mécanique-là qui est... Bah, en fait, comme l'objectif, de toute façon, c'est de ne pas vieillir, en fait, on ne sait pas trop quoi en faire de cette mécanique. Et surtout, on ne sait pas trop... Qu'est-ce qu'elle nous incite à... Bah, pour moi, c'est une mécanique qui t'incite à être de plus en plus agressif. Parce que étant donné que tu as moins de vie, on te pousse vers du glass cannon, en fait. Oui, c'est vraiment du canon vite, de verre, où tu vas faire plus de dégâts. Mais comme tu peux pas prendre beaucoup de coups, bah, en fait, c'est une mécanique qui... Le jeu vidéo étant une manière de discuter entre les créateurs et le joueur et les joueuses, bah, on te fait comprendre qu'il faut être un peu plus agressif. Et à côté de ça, moi, le fait d'avoir moins de vie, ça peut au contraire m'inciter à plus me défendre parce que j'ai moins de vie, j'ai envie de me prendre moins de coups. Du coup, je suis un peu perdu quand j'ai ça. Plus fuir, etc., plus prudent. C'est pour ça que je suis un peu partagé. Ouais, bref, de toute façon, voilà, déjà, rien que cette petite mécanique, on sait pas trop quoi en faire. Parce que typiquement, ce genre de choses, c'est un build qu'on peut te proposer, tu vois, où tu dis, si t'as envie d'être agressif, où tu dis, bah, de toute façon, moi, j'aime pas me défendre, je veux tuer les ennemis vite. tu peux avoir un arbre de compétences qui dit, bah, tu fais 10% de dégâts en plus, par contre, t'as 5% de vie en moins. Ça, c'est un truc équilibré. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on m'impose quelque chose qui, à mes yeux, c'est peut-être pas vrai, mais qui, à mes yeux, paraît équilibré? Effectivement, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est que, du coup, ça va à l'opposé de ce que le jeu essaye de nous faire comprendre dans sa fin cachée. C'est-à-dire que de nous pousser à être plus agressif et en tout cas de faire plus de dégâts aux adversaires, bah on va plus facilement les tuer. Donc on nous pousse jamais vers cette idée d'épargner, en fait, tu vois. Donc pour moi, il y a un vrai contresens déjà dans cette mécanique de vieillissement qui m'a vraiment posé souci à pas mal de niveaux. Moi ce qui m'a vraiment gêné, en fait, pour rentrer un peu dans le dur sur cette mécanique de vieillissement, c'est qu'en fait, bah, tu vas avoir beaucoup d'ennemis à l'usure, et je trouve qu'en fait le rapport frustration sentiment de victoire dans le jeu, vraiment au début de ta run et peut-être même au cours de ta première partie, en fait, il va vraiment être en ta défaveur. Parce que moi, sentir, tu vois, j'ai tapé un peu la moitié de la barre d'un ennemi, je meurs et je reviens et il a encore la moitié de sa barre de vie, tu vois, j'ai l'impression de l'avoir à la gratte et j'ai l'impression de pas vraiment apprendre et de pas l'avoir à la régulière. Et ce qui fait que tout au long du jeu, j'avais jamais l'impression de vraiment gagner, tu vois. J'avais l'impression que le jeu me disait tout le temps, ouais, mais en fait, t'es passé, mais t'es pas très bon, tu vois. Ce qui est vrai, hein, ce qui est la réalité, ce que le jeu te renvoie comme leçon, de dire, en fait, t'es pas très très bon. Et je trouve que, en termes d'expérience de frustration, moi, pour aimer ce genre de jeu, parce qu'il parle de Sekiro, tu vois, bon, c'est un peu ma cam, moi, j'aime bien me dire, bah, en fait, là, j'ai gagné pour de vrai, tu vois. Si j'ai gagné, c'est parce que j'ai mérité et que j'ai gagné, quoi. Et je trouve que le jeu te donne pas du tout ce sentiment là et je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense que les gros débats sur la difficulté et la frustration viennent de ça, que les sentiments de victoire sont toujours sapés par tes sentiments de défaite au cours de tes combats, sachant que t'as cette histoire de compteur incrémental qui ne fait que rajouter de la frustration, parce que si tu meurs 4-5 fois contre le boss, tu perds pas 4-5 ans, tu vas perdre 1 puis 5 puis 10, tu peux passer de 23 ans à 41, tu vas perdre 20 piges juste sur un combat de boss. C'était là, j'ai perdu 20 ans sur ce gars là enfin, j'ai pas envie, quoi. Ben, moi, je trouve que justement, c'est ça l'intention. C'est-à-dire que, comme le jeu, il veut que t'aies envie de t'améliorer. C'est ça le souci. Si t'as pas envie de recommencer, c'est là que ça va commencer à vraiment coincer avec le jeu. Mais pour moi, comme il y a de la répétition et du recommencement, en fait, faut que t'aies envie de dire, bah oui, j'ai perdu 20 ans contre le boss, du coup, il faut que je m'améliore. Si je veux pouvoir terminer le jeu, je peux pas me permettre de perdre 20 ans. Donc quand tu dis, Hugo, effectivement, la première fois, je comprends la frustration, le côté, j'ai un peu gratté le boss, mais c'est parce que dans l'optique du recommencement, il faut que tu sois content d'y avoir passé moins d'essais. Ouais, tout à fait. Et c'est ça le truc de dire, yes, là, j'ai pas perdu 20 ans, je suis mort que 2 fois, alors qu'avant j'étais mort 5 fois, et je pense que c'est plutôt ça que le jeu essaie de transmettre. Et je suis tout à fait d'accord, c'est juste qu'en fait t'as un sentiment de victoire en fait qui est faux et qui est faussé au départ, parce que t'as pas vraiment gagné pour de vrai. Et après l'autre, moi, gros problème que j'ai avec cette mécanique là de vieillissement, c'est dans vraiment un fondamental de game design, c'est que moi, si tu veux mentionner quelque chose, comment on fait? On te met dans une situation particulière, tu fais ce que je te demande de faire. Tant que tu fais pas ce que je te demande de faire, tu passes pas. Metroid, 1984, on tombe, on récupère la Morph Ball, tant que t'utilises pas la Morph Ball, tu passes pas. Et là, le problème dans Sifu, c'est que quand tu vas arriver devant une situation, eh ben, tu peux passer même sans apprendre ce que le jeu veut vraiment t'enseigner, en fait. C'est-à-dire qu'il peut très bien, par exemple, vouloir t'enseigner l'espace. Tu vas l'avoir à la gratte. Et du coup, tu vas progresser dans le jeu, mais en fait, t'as pas appris ce que le jeu voulait t'enseigner, parce qu'il te permet de continuer au sein de sa progression. Et je pense sincèrement que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de feelings négatifs qui ont pu naître pour pas mal de gens, parce que le jeu... n'est pas clair, il te donne un sentiment de progression parce que tu progresses pour de vrai, mais en fait tu ne progresses pas, tu sais, dans la méta-progression du jeu, dans l'apprentissage des mécaniques. Et on y reviendra après, mais en fait, t'apprends pas forcément à faire ce que tu es censé faire. Le jeu a du mal à t'expliquer ce que tu devrais faire pour être meilleur, puisque ça, on est tous d'accord pour dire que le jeu, il faut qu'on joue mieux, mais ce système de vieillissement en fait va plus générer de la frustration et un sentiment d'échec, tu vois, que un sentiment de réussite. Parce que quand tu vieillis, c'est un échec, puisque du coup, il faut l'éviter. Oui, mais de toute façon, là, on n'est pas d'accord sur le truc, mais c'est-à-dire que c'est un sentiment d'échec, mais il faut que tu aies la volonté, justement, de réussir. Et donc, tu as un nombre, et juste, en fait, il faut que tu aies la volonté de te dire, ce nombre, la prochaine fois, je veux qu'il soit plus bas. C'est tout, c'est juste ça pour moi, le jeu, c'est que le nombre va symboliser ta réussite ou tes échecs, et ça rend aussi, du coup, l'expérience modulable, puisque tu peux te dire, moi, ce boss, je galère à fond, à chaque fois, je perds 10 ans, ça me saoule, mais tu peux te dire, tant pis, j'accepte de perdre 10 ans sur lui, mais les autres, je préfère du coup plus m'entraîner contre eux ou passer les autres niveaux, et eux, je vais mieux les réussir. Et du coup, comme c'est un nombre, et tu peux perdre 10 ans, 15 ans ici, 20 ans là, mais pas 20 ans partout, ça c'est pas possible. Donc, moi je trouve que ça tient comme ça, en tout cas, s'il n'y avait pas d'autres problèmes, d'autres choses qu'on va citer. Moi, le système, je le trouve OK. En tout cas, quand tu as envie de t'améliorer, quand tu as envie de t'entraîner, quoi. Il y a aussi ce système, il est aussi lié à ce fameux arbre de compétences, puisqu'on va pouvoir débloquer des compétences, c'est typique, hein, comme on le fait dans les jeux. Mais par contre, l'arbre de compétences, il est divisé par rapport à l'âge. Là, ça, c'est un problème du X, vraiment. C'est-à-dire qu'en termes d'ergonomie, on peut mettre beaucoup de temps avant de comprendre comment le jeu fonctionne. En fait, chaque pièce du talisman est lié à une décennie que tu vas vivre, puisqu'à chaque fois que tu perds, tu passes de 20 à 30 ans, il y a une pièce qui s'éclate. Et en fait, l'arbre de compétences que tu vas débloquer est lié à ces pièces-là. Ce qui fait qu'il y a des compétences les compétences les plus en bas de ton écran, alors que le curseur est tout en haut, c'est celles que tu devrais débloquer en premier, puisque c'est les premières que tu ne pourras plus débloquer quand tu auras 30 ans, 40, 50, 60, etc. Donc là, il y a... Bon, là, ça, c'est un problème d'ergonomie, bête et méchant, c'est-à-dire que le jeu t'explique pas tout simplement que tu dois faire certains choix en priorité. Si tu veux pouvoir accéder à certaines compétences, tu dois le faire avant un certain âge. Il te le suggère quand tu croises les dragons, qu'il te suggère qu'il y a une histoire comme quoi tu peux faire certaines choses avant un certain âge, etc. Mais le truc des compétences, c'est étrange, parce qu'en plus, pour une raison X ou Y qui est complètement arbitraire, il faut acheter 5 fois la même compétence pour la débloquer de manière permanente et l'avoir au prochain run. Juste pour synthétiser, donc tous les 10 ans, en fait, il y a 5 compétences que tu ne peux plus acheter. Mm-hmm. Voilà, tous les 10 ans, il y a un nouveau palier qui va monter. Et déjà, effectivement, en termes d'ergonomie et tout, tu ne comprends pas très bien, ça descend, ça monte, pourquoi ça se brise, je ne comprends pas très bien. Mais déjà, pourquoi ? Pourquoi est-ce que quand j'ai 30 ans, je ne peux plus acheter les compétences que quand j'avais 25 ans ? Déjà, je ne comprends pas. Pour moi, tu vois, c'est encore un contresens. Puisque du coup, vu que tu vieillis, t'es censé être meilleur. Oui. Oui, avoir plus de choses dans ta palette. Et c'est là que tu vois qu'il y a un souci dans la mécanique. Parce que quand tu vieillis, ça veut dire que tu joues moins bien. Mais quand tu vieillis dans la vraie vie, il te montre que tu es le Sifu et t'es censé devenir le super maître, tu vois, le vieux maître sage, etc. Et donc là, tu te dis... Mais vous nous dites en permanence la fantaisie, la fantaisie de devenir l'espèce de sensei. Elle colle pas parce que tu te dis, quand je suis vieux, normalement, qui peut plus peut le moins, tu vois. Mais en fait, là, non, c'est l'inverse. Et en plus de ça, comme tu le disais, donc quand on débloque une compétence, on la débloque pas de façon permanente, on la débloque juste pour cette run. Donc si on a un game over à la fin, on n'a plus ces compétences-là. Moi, je pense comprendre déjà cette volonté de dire on va pas donner chaque compétence de façon définitive ou quoi, en tout cas avec l'économie qu'ils ont, parce qu'il faut dépenser des points d'expérience qu'on a en tuant des gens, enfin en tabassant des gens. Et c'est vrai que c'est un peu étrange. Moi, je pense qu'ils auraient juste dû faire les trucs beaucoup plus chers. Tu peux en acheter peut-être que une ou deux au final par run. Parce que moi, ce que ça a mené, ce truc-là, c'est que parfois j'achetais quelques compétences. Je finis ma run, je suis mort et je dois recommencer. Je n'ai plus les compétences avec lesquelles je me suis habitué, tu vois, pendant les combats. J'avais débloqué un move, je me dis, il est pas mal, oui, je l'aime bien. Tu l'as acheté que 3 fois ou 4 fois. Oui, en fait, il faut l'acheter 5 fois. Peut-être que la volonté de base, c'était, ça leur permet d'essayer des trucs et s'ils aiment bien, ils finissent par l'acheter. Ouais. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était plus, je me suis habitué à ça et je l'ai plus et il faut que je le farme, en fait, parce que j'aimais bien. Du coup, faut que je le rachète 4 fois, en fait. Encore une fois, c'est encore une fois un système, j'ai pas complètement accroché à ça. Pour moi, il y a une intuition d'équilibrage, tu vois, de se dire on va essayer d'équilibrer un peu le jeu comme ça, mais je trouve ça un petit peu bancal. Et finalement, il y a plein de choses, moi, que je trouve autour de ce vieillissement que je trouve bancal. Et moi, je peux pas empêcher de me poser la question, de me dire, mais est-ce que le jeu, il marcherait pas si on était vraiment dans une progression vraiment traditionnelle, tu vois? C'est-à-dire, tu fais le premier niveau, tu fais le premier combat, tu fais le deuxième combat, tu meurs au deuxième combat, tu recommences le deuxième combat, et tant que t'as pas capté, tu progresses normalement, tu vois, un truc. Très classique, et j'arrive pas à trouver de monde où je me dis c'est mieux avec la mécanique de vieillissement. Je trouve que la mécanique de vieillissement, c'est un super truc pour communiquer, c'est une vraie feature sur laquelle tu peux différencier ton jeu, mais je trouve que dans le jeu j'arrive pas à trouver ça fondamentalement. Je trouve pas que c'est une solution. J'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont implémenté, ils se sont dit maintenant on manœuvre autour de ce truc, plutôt que de dire c'était une solution qui venait répondre à un problème de philosophie. Parce que le côté get good get better, j'en connais des jeux qui sont comme ça et ils ont pas de mécanique de vieillissement. Je sais pas quoi. On n'est pas tous d'accord sur ce truc-là. C'est vrai qu'avec Hugo, on a du mal à comprendre l'intérêt de cette mécanique. Je pense, j'ai tendance, tu vois, à force d'y réfléchir, à peut-être me rapprocher un peu de ce que dit Max, c'est-à-dire qu'elle pourrait marcher dans un univers parallèle où elle serait gérée différemment. Mais encore une fois, là, pour l'instant, le jeu, moi, il me donne des informations contradictoires trop souvent. Oui. Et ça, moi, c'est un truc qui me frustre parce que si le jeu me dit un truc, mais que c'est pas comme ça qu'il faut le faire, ou que c'est l'inverse, ou qu'il me dit pas ce que je devrais faire, en fait, ce que je finis par me dire, c'est la personne en face, enfin qui est à travers l'écran, me ment. Tu vois, il y a une forme de rétention d'information, et donc en gros il y a une relation conflictuelle qui se crée avec les créateurs de jeux. Et moi ça c'est un truc que je prends presque personnellement, tu vois, je vais dire Michael Jordan, mais je me dis si vous voulez pas me donner l'information, ou si vous me donnez une information qui est à contresens de ce que vous voulez, c'est qu'il y a un souci dans la communication, c'est que vous arrivez pas à me communiquer ce que votre volonté et ce que vous vouliez qu'on fasse. Et là, quand il y a cette relation là, moi au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché le jeu, je l'ai pas fini, je l'ai fini sur YouTube, parce que si fou, vraiment, j'ai pris aucun plaisir à y jouer. C'est ça la différence, tu vois, avec les jeux From Software, c'est tu fais pas ce que je te demande de faire, tu y arrives pas, tu fais pas, donc ouais, tu passes pas. C'est Gyobu au début de Sekiro, si tu n'appliques pas les parades et machin, ça ne passera pas, tu vas te faire rouler. Si tu continues à jouer comme tu jouais dans Dark Souls, t'as perdu. Et je me souviendrai toujours, voilà, des gens comme, je sais pas, Corentin Lamy, qui ont fait tous les Dark Souls et qui se disaient, putain, j'arrive pas à passer Gyobu parce qu'ils jouaient pas avec la mentalité de Sekiro. Ils jouaient avec les déplacements. Tu disais, bah en fait, faut parer, quoi. Et si tu fais pas ça, bah tu passes pas. Et c'est ça vraiment le problème que j'ai avec ce truc, c'est laisse-moi pas passer si j'ai pas joué correctement, quoi. Juste, moi, je reviens sur ce que tu disais sur l'arbre de compétences. Pour moi, la source du problème, c'est pas la mécanique de vieillissement, c'est le fait qu'ils aient décidé de la corréler à ça. Puisque en soi, dans l'absolu, t'avais pas besoin de lier les deux. Tu pouvais avoir la mécanique de vieillissement, les checkpoints, clairement, et un arbre de compétences de temps en temps. Et voilà, le problème, c'est qu'ils aient décidé de le lier, du coup, avec le médaillon, ça monte, pourquoi j'ai plus le droit d'acheter des trucs, je capte pas vraiment le lien, le rapport, narrativement, mécaniquement, je comprends pas l'intérêt. C'est plus ça, en fait, c'est qu'ils ont essayé de lier les deux, c'est plus ça le problème. Et un autre truc qui était intéressant, qu'on peut souligner dans Sekiro, c'est que là où ils avaient lié deux choses intéressantes, je reviens plus aux fondamentaux avec le combat, mais c'était qu'eux, ils avaient la barre de vie et la barre de posture, les deux étaient liés, par exemple. Ça, c'était une corrélation qui était intéressante, puisqu'il y avait ce côté, si j'ai infligé des dégâts à l'adversaire, plus sa barre de vie, elle est vide, plus sa barre de posture elle se remplit doucement en fait, et parfois t'étais obligé d'infliger des coups à l'adversaire pour ensuite pouvoir parer. Donc il y avait ce côté, on revient un peu au dialogue rythme, il venait de ça, d'une corrélation qui en fait était intelligente. C'est à dire il y a des moments, je dois lui mettre des coups, donc je dois esquiver, mettre des coups, parer, mettre des coups, et ensuite il y a un moment ce sera que des parades, quoi. Et là ça marche bien, les deux se répondent bien. Effectivement, la mécanique de vieillissement et arbre de compétences, je comprends pas le lien, quoi. Et c'est pour ça que moi j'en reviens toujours à ce truc, enfin je vais faire chier avec ça, mais sur le truc de vieillissement, c'est pour moi ils ont designé des choses qui n'étaient pas des solutions. C'est-à-dire que c'est pareil que la mécanique du fait que plus tu vieillis, plus tu fais de dégâts ou des trucs. C'est que il y a une intuition de dire arbitraire. Vas-y, on fait ça. Mais en fait, ça, qu'est-ce que, oui, à je quoi comprends ça pas sert ce que en ça fait apporte. À quoi ça sert à l'expérience de jeu? Et il y a plein de choses dans le jeu qui sont liées, où tu vois que c'est des gens qui ont envie de designer, de faire du système, en fait, tu vois. Mais en fait, le système, il faut qu'il solutionne quelque chose. Moi, je reste convaincu que s'il n'y avait pas cette fin cachée où, en fait, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est qu'on les épargne, ça pourrait éventuellement passer. Tu vois, c'est-à-dire que tu pourrais arriver face à Yang en étant très vieux et tu te dis, bon, j'ai passé ma vie à me venger, et le jeu, il te met là-dessus et toi, tu te retrouves à 70 balais à avoir tué un type de 20 ans et tu te démerdes avec ça. Tu vois, il y aurait forcément une forme de frustration, mais qui serait logique par rapport à ce que tu veux enseigner sur la vengeance. Et là, en fait, le fait que le jeu te dise, en gros, non seulement il faut que tu joues mieux, il faut que tu vieillisses pas, et en plus il faut que tu épargnes tes adversaires. T'es là, ça fait trop d'informations que vous nous donnez pas. Il y a beaucoup de, en fait, tu sais, c'est le mec qui dit, en fait, tout ce que je t'apprends, c'était pas du tout ça. Mais tu n'as pas compris, petit singe. Tu n'as pas compris qu'il fallait faire ça. Et je pense que c'est ça. T'as un côté genre, est-ce qu'on est obligé de me prendre autant de haut, tu vois, comme ça, sachant que le jeu, il est déjà un peu difficile, tu vois. Donc c'est-à-dire que il y a un choix. Mais justement, on peut peut-être passer à la suite. Il y a ce côté mécanique de vieillissement. Ok, on n'est pas tous d'accord dessus. Moi, je trouve ça pas si malin que ça. Néanmoins, par contre, il y a un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est justement cette façon qu'il a de nous enseigner les choses. Et là, on peut revenir sur le tuto, ou plutôt est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un tuto du jeu, qui est assez raté quand même. Autant dans la mise en scène, cette espèce de passage de montage et tout, ça marche très très bien, y a pas de soucis, c'est très joli. Par contre, pour ce que ça t'apprend, c'est ça marche vraiment pas, quoi. Il y a beaucoup de maladresse, en fait, parce que le tuto, il est un peu en deux parties. Donc il y a le moment où tu incarnes Yang et donc il y a des petits prompts qui apparaissent, donc R1 pour taper, L1 pour parer, voilà un peu les bases, on va dire, les esquives. Mais déjà, premier petit truc, on est vraiment sur du détail, je vais pas flinguer le jeu pour ça, mais tu peux mettre le Sifu à terre et en fait tu n'as pas appris comment tabasser au sol, et tu sais, tu te retrouves avec quelqu'un au sol et ça dure longtemps, t'es au sol longtemps et tu fais je fais quoi, qu'est-ce que je fais, j'ai pas appris. Donc déjà tu commences à avoir un petit quoi que tu fais, je capte pas. Et le tuto plutôt là où il est pas très bon. Donc tu l'as dit, mise en scène cool, on se bat contre les boss, ça préfigure les combats qu'on va avoir, mais il ne nous met pas dans les bonnes situations pour ce qu'il essaie de nous apprendre. Ça arrive deux fois. Juste pour revenir sur ton truc, en fait, quand tu es dans la séquence avec Yang, tu peux mettre le maître au sol, mais et tu apprends ce qu'il faut faire après le montage rouge. Exactement. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a deux soucis. Donc il y a une première fois où tu t'entraînes contre le premier boss qui est Fajar, et le jeu t'apprend ce qu'il appelle la projection orientée. C'est quand tu fais une bonne parade, ça va stagger, ça va un peu étourdir, on va dire, l'ennemi en face, surtout les mobs, pas vraiment les boss, et tu peux les prendre et les pousser, ou les jeter derrière toi, ou sur le côté. Et en fait, là, t'es dans un environnement où t'as un mec tout seul devant toi. Et du vide. Donc, concrètement, ça sert à rien. En tout cas, c'est pas à ça vraiment que ça sert, parce que c'est très utile quand il y a plusieurs ennemis autour de toi, ou des environnements, puisque ça te sert à prendre un ennemi, à le jeter sur un de ses potes, le jeter contre un mur, et ça augmente beaucoup sa barre de structure, ou ça la vide, ou ça abonde beaucoup la barre d'étourdissement, bon bref, vous avez capté, ou ça va le faire trébucher sur un truc. En fait, ça sert vraiment à ça, c'est le crowd control où tu gères les plusieurs ennemis autour de toi. On ne t'a pas mis en situation, tu sais, t'as un truc, je pousse un mec et t'es un peu, ok. Oui, comme il est poussé dans le vide, à part reculer, là, du coup, tu crées de la distance avec lui, et t'es là, mais du coup, il faut que je me mette en danger pour regagner la bonne distance. Mais c'est surtout que tu te dis pas, ok, ça c'est utile pour faire ça. Je le pousse, tu fais très bien, il n'y a pas le jeu, ils te disent, là tu l'as poussé contre un mur, regarde les dégâts que tu vas pouvoir lui faire, quoi. Ça, le jeu, tu dis, et l'autre petit souci, c'est qu'il t'apprend les esquives hautes et basses, qui sont les deux seules esquives typiquement des jeux, parce qu'il a deux types d'esquives. Il a les esquives basses, donc ça je vous le dis, parce que je crois que le jeu le dit pas. Il y a les esquives hautes et basses, et en fait il y a les esquives visuellement latérales, c'est-à-dire à gauche ou à droite, mais en fait c'est les mêmes que les esquives hautes. Ouais, c'est ça. Donc typiquement, esquive haute, c'est t'as l'ennemi, il te le montre, ça, l'esquive haute, il le fait bien. T'as un ennemi en face de toi qui est le deuxième boss, que Shen, qui a un bâton, il fait un gros mouvement latéral avec son bâton qui passe au-dessus de toi, tu te baisses. Ok, voilà. C'est une esquive basse. C'est tout ce que tu verras. C'est une esquive haute. C'est une esquive haute. Tu esquives les coups bas. Voilà, c'est ça. Chose qu'il ne te fera pas. Ce qu'ils te disent, esquive haute, esquive basse, le truc, tu te baisses avec le bâton, il dit ok, c'est bon, il a capté. Et tu sais, il te fait pas un coup de bâton en bas, tu fais non, c'est bon, on a compris. Et tu sais, t'as un peu. Ce qui va participer à une grosse confusion que t'auras en fait vraiment pendant les premières heures du jeu. Tu dis, mais attends, j'esquive sur le côté, mais est-ce que ça veut dire que les esquives gauche et droite, c'est comme bas, c'est comme haut? Est-ce qu'il y a quatre esquives possibles? Est-ce qu'il faut que je fasse les bonnes? Et en fait, tu comprends pas vraiment. Et la majorité des ennemis t'attaquent que en haut. Oui, il y a très peu d'ennemis. Il y a très peu d'ennemis. Alors, en mode normal, parce que j'ai pas joué en mode difficile, mais en tout cas, en mode normal, la plupart des ennemis ne t'attaquent de toute façon qu'en haut. Donc, l'attaque en bas, il y a quelques boss. Il y a une nana dans. Une ou deux nanas dans la boîte qui commencent à l'utiliser. C'est ça. Fajar, il a une attaque basse, je crois. Shen, il peut en avoir une. Oui, Shen, dans sa deuxième phase, je crois qu'il en a une. À partir du musée, il commence à le faire un peu plus souvent et encore. Mais globalement, l'esquive haute. Tu peux t'en servir presque elle tout est le temps. Très très puissante. C'est OP. En plus, tu peux vraiment. Tu peux tout esquiver. Et il n'y a pas de notion. Et il n'y a pas de notion de rythme. Et moi, je l'avais montré aux gens. Il y en a un petit peu. Mais elle est légère. Mais parce en que fait, c'est ça. Tu pouvais vraiment passer une minute face à un boss à juste faire oh. Et j'esquivais tout. Vraiment, le mec, c'était. Tu vois, c'était. Tu revois le combat là entre Foreman et. Comment il s'appelait le gros boxeur. Tu sais, Fly Steve Mohamed Ali. Tu sais, où tu le vois. Vraiment, il esquive tout en mode. Voilà. Et mon perso, il fait que ça. Oui, la fenêtre d'esquive est plus large que la fenêtre de parade, parce que la fenêtre des parades, elle est quand même assez petite. Beaucoup plus petite. Et du coup, au début, t'es tenté de vachement esquiver, parce que tu tentes un peu les bonnes parades, parce qu'en général, ce que tu vas faire, c'est si tu rates ta fenêtre de parade, du coup, tu vas bloquer le coup, et ça va très vite monter ta barre de structure, et tu vas te faire punir pour ça. C'est ça le problème, c'est que moi, en plus, je viens un peu de l'école Sekiro, etc., donc moi, je me dis tout de suite, parade. Donc je commence un peu à jouer la parade, le problème, c'est que j'avais pas les timings, donc en fait, c'est pas très utile, et après, je commence à faire des cycles, je fais, putain, mais c'est grave puissant, en fait, de faire ça. Du coup... Et en fait, non, Hugo, c'est pas vraiment comme ça qu'il faudra jouer en fait pour de vrai, il faudra revenir aux vraies parades parce que les esquives en fait ça va pas être si rentable que ça. Et là encore une fois, c'est le jeu qui a eu du mal à communiquer, j'ai eu du mal à apprivoiser comment il voulait que je joue concrètement. En fait, il faut que ça vienne de toi, parce que vraiment il y a le déclic dans Sifu, quand t'aimes bien, quand tu rentres dedans, c'est effectivement les parades. Et là tu dis, ok, j'ai capté que les parades c'était très fort, ça me permet de faire les projections orientées qui sont très fortes dans beaucoup de niveaux, et tu vas vouloir t'entraîner. En fait, t'as le Wang qui te permet de jouer contre des IA ou refaire des combats de boss pour t'entraîner, et pour justement maîtriser les timings de parades. Typiquement, t'avais les disciples de Shen, moi je galérais beaucoup, tu sais, je perdais, ils t'en mettent deux en fait avant le combat contre le deuxième boss qui est Shen, et je perdais déjà, tu vois, deux trois fois contre eux, et à un moment tu dis c'est plus possible, je peux plus perdre autant de vie contre eux, et là j'y retournais, je me disais ok, le troisième coup, il y a vraiment un contre-temps, enfin ils mettent plus de temps, tu vois, c'est une note blanche, voilà, c'est mais deux fois plus de temps, il faut vraiment que j'intègre ce truc là, et ensuite je serai satisfait des points de vie que j'ai. Mais il faut que tu aies ce déclic, parce qu'effectivement t'as trop peu de tuto à ce niveau-là, en fait, où ils vont te mettre en condition. Et pourtant, ils en sont capables, puisqu'ils te mettent un moment en situation où tu dois esquiver un coup, une chope, contre un mec assez gros. Ouais. Et là, vraiment, c'est le tuto parfait. Tu vois, bah, c'est-à-dire, c'est, t'es c'est en ça, situation, en fait. Il est devant toi, une petite mise en scène, un peu, ouais, tu comprends, il y a un ralenti, fort, voilà. Tu vois ses points qui sont orange, et il te dit, attention, les chopes, il faut faire esquive haute, voilà. Et c'est comme ça qu'on les esquive. Voilà. Okay. Et voilà. Et du coup, tu le fais, tu fais, ok, bah là, j'ai capté, il m'a mis en situation. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est le jeu fait ça une première fois que tu verras ça. Alors que. Et c'est même une des seules fois. Toutes les nombreuses mécaniques, tu devrais toutes les apprendre comme ça. Tout le premier niveau du squat, ça devrait être presque que des choses comme ça, où je te le fais faire une fois, je fais le petit ralenti, le prompt, et je t'en mets un deuxième, voire un troisième après, pour que tu fasses, oui, ça plus, tu sais faire. Et ça, en plus, c'est des règles de game design, c'est-à-dire qu'en général, on a tendance à dire, et c'est l'expérience, enfin, depuis le temps, maintenant, on commence à le savoir, en général, tu mets en situation trois fois les gens, et au bout de la troisième fois, ils ont pigé le délire, tu vois. Et ça y est, Et Sifu ne fait pas ça, en fait. D'une composition après, tu vois, peut faire partie un peu de ta palette des choses que tu sais faire, mais faut te l'apprendre une fois. Parce que même le tuto du coup qui est au début, bah t'as oublié quand même la moitié des choses parce que tu le fais une fois et après on te le rappelle plus. Et en plus de ça, on pourrait se dire, bah oui, mais s'ils nous faisaient un tuto, ça pourrait vraiment être chiant parce qu'on doit recommencer le niveau, on va se retaper le tuto. Et ben non, parce qu'ils font des raccourcis, donc on sait qu'ils sont capables de te faire le tuto. Tu vas avoir pas mal d'ennemis qui font la même chose et tout, t'as capté. Et hop, un petit raccourci qui te skip le tuto. Même en recommençant le premier niveau, ils auraient pu très bien mettre un choix en mode, est-ce que tu veux refaire le tuto? Oui, non. Enfin, il y a des centaines de jeux qui font ça. De désactiver les prompts des tutos. Et voilà, c'est vrai que le jeu n'est pas forcément clair. Et si tu n'as pas capté tous ces tutos, heureusement, Maxime, il y a quoi? Il y a des post-it. Parce qu'elles sont où, toutes les infos après sur la structure, machin, les parades, les doses d'équilibre? Eh bien, il faut aller dans le petit menu d'enquête, hein, là où il y a toutes les petites photos qui sont liées avec des machins. Et si tu regardes bien en bas à gauche, il y a des petits carrés. Voilà, c'est des post-it. Et donc, bon, déjà, bah, faut les trouver. Hein, faut savoir qu'ils sont là. Hein, y a pas mal de gens. Tu vas pas forcément aller les chercher. Et ces post-it, ils vont te décrire un certain nombre de mécaniques et de systèmes de jeu, notamment sur les structures. Et est-ce que c'est bien expliqué? Bah, parce qu'il y a tout un vocabulaire autour parade, déviation, bloqué, esquive, machin, et le jeu, il sait pas tout. T'as l'impression que le jeu, il sait pas trop. Premier problème, c'est qu'il est pas cohérent dans sa façon de présenter ces verbes-là, parce que c'est important. En général, chaque verbe, tu vas l'associer à un bouton. Bloqué, tu sais ce que c'est, parade, tu sais ce que c'est, esquive, tu sais ce que c'est. Et puis là, tu vas dévier, tu dis dévier, attends, c'est quoi dévier? Une fois, il y a un moment, c'est le moment, c'est le plus clair. Il dit parer slash dévier. Tu fais ok, c'est des synonymes, je crois. Mais pourquoi? Et il y a une. Faut jamais faire déjà, ça en GD. Arrêtez de faire ça. Déjà. Et je pense que ça vient en fait de l'historique où je racontais l'histoire de Barre et tout. En fait, il disait, j'avais pas repris, je crois, mot pour mot, mais en gros, c'était, donc rappelez-vous, si la barre était pleine de l'adversaire, il fallait parer les coups pour la vider. Et en fait, je reprends leur terme, le fait de parer leurs coups, ça déviait leurs coups. Et tu sais, déjà, tu l'écoutes, tu fais, donc je parie et je dévie. Bon, d'accord, je capte quand tu me l'expliques comme ça, pourquoi pas. Mais là, dans les post-it, c'est qu'il y a aussi d'autres formulation de phrases qui sont paré, virgule, bloqué, virgule, dévié ou esquivé. Et là, tu dis, mais attends, je peux faire quatre trucs, en fait, je comprends pas. Ouais, t'as trois actions, mais il y a quatre mots. Ouais, mais et en fait, même le post-it, il est pas clair, ce que tu pourrais dire, faire un tuto, machin, ça demande, ils avaient pas forcément le budget, ils avaient pas forcément machin. Là, on est sur des post-it, on est sur des phrases, les phrases ne sont pas claires, les phrases ne sont pas bonnes. Et ça, on suppose que ça vient de ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, sur l'idée que la mécanique, en fait, de déviation avait eu, de parade, etc., a évolué au fur et à mesure de la production, et on suppose que le système original où il y avait une sorte de seuil en dessous duquel on changeait de type d'action, c'est resté, en fait. C'est un truc qu'ils ont dû garder, et eux, ils s'étaient habitués à ces mots-là, et ils n'y ont pas fait attention, parce que c'est très facile, dans une production, de perdre un peu le fil du truc, d'avoir la tête dans le guidon, t'es vraiment dans ton compteur, et tu regardes plus ce qui se passe autour. L'effet tunnel est classique dans les productions de tous les types de jeux. Au-delà des jeux vidéo. Vraiment, partout, c'est très facile de tomber là-dedans. Et à mon avis, ça a dû se retrouver dans le jeu final. Bon, ce qui est étrange, c'est que là, ça fait des mois qu'il est sorti. Et nous, on y a joué des mois après. Moi, j'ai pas joué Day One. Hein. J'ai joué plus tard dans l'année. Oui, moi non plus. Elden Ring, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de confusion, et je pense que ça, le côté, moi, les feedbacks, tu vois, les parades, parfois je savais pas, est-ce que je l'ai bien bloqué, ce truc-là, est-ce que j'ai paré, tu vois, il y a un certain nombre d'infos, moi il y a trop d'infos que j'arrivais pas à capter dans ce jeu, c'est vraiment confus en fait. Et tu rajoutes à ça cette espèce de les trucs contradictoires qu'on a un peu dit au début, le côté vieillissement où je suis là, je suis bon, moi je suis vraiment pas convaincu, plus les trucs confus. moi j'ai quand même je suis quand même allé au jeu et je me suis quand même amusé parce que je trouve que voilà ça tape quand même bien et bon moi on tape des gens ça me va, je suis un homme simple après tout, mais néanmoins il y a vraiment trop de choses qui font que c'est confus. Et finalement, on se dit que c'est un jeu qui a cette espèce de radicalité, qui a cette posture de dire, voilà, nous, on est un jeu exigeant, je vais être ton maître, et tu vas te plier à mon truc, je vais t'apprendre, et tu vas arriver à mon niveau grâce à ça. En fait, le contrat, moi, si on passe ce genre de contrat, il n'y a pas de problème, je suis chaud pour ça, mais par contre, il faut que toi, de ton côté du contrat, tu me respectes, en fait. Il faut que ça soit, c'est pas unilatéral, quoi. C'est-à-dire que, bah, grand pouvoir, grande responsabilité, non, comme disait mon oncle, qui est mort, et depuis, après, je me suis fait piquer par une araignée. Enfin, bref, tout ça pour dire que, étant donné qu'il y a une sorte, c'est ça, il y a un pacte qui est créé, tu vois, vraiment, on parle de pacte littéraire, on parle de la même chose, tu vois, dans la narration. Ben, les développeurs nous disent, vous allez devoir vous plier à nos règles et vous allez prendre du plaisir, faites-nous confiance, au bout d'un moment, vous allez kiffer le truc. C'est littéralement tous les jeux From Software depuis Demon Souls qui font ça, et eux en fait ne respectent pas la part de leur engagement qui est de, ben explique-moi. Et pour un jeu qui s'appelle Sifu, qui veut donc dire maître en chinois, enfin qui peut être utilisé qui peut être une des manières d'appeler son maître dans une école de Kung Fu, ben je me dis c'est couillon parce que vous êtes quand même passé à côté de votre sujet, quoi. Pour moi, tu vois, on est dans du hors-sujet. C'est vraiment genre, tu faisais ta disserte de philo là au bac et tu t'es passé à côté de ton sujet, quoi. Bah, c'est pas, enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est pas hors-sujet. Donc, Sifu, j'ai bien aimé, je suis rentré dans le truc, mais il m'a fallu, mais je crois que, je pense que c'est au bout de 5 heures de jeu que j'ai fini par comprendre, tu vois, que j'ai découvert effectivement les post-it, que on m'a, déjà, des gens m'ont expliqué, oui, moi j'avais streamé. Il y a des gens qui m'ont un peu expliqué, qui ont pu me dire, voilà, bah, en fait, l'esquive haute et sur les côtés, t'inquiète, c'est la même chose. Et tu sais, c'est des fondamentaux, en fait. Et c'est, je trouve ça extrêmement frustrant. Autant j'ai eu les déclics, j'ai eu les volontés de m'entraîner contre certains trucs, j'ai eu la parade, j'ai compris et tout. Enfin, j'ai compris l'importance de la parade. Et c'est à partir de là que tu dis, OK, c'est bon, mais il fallait pas que ça mette 5 heures pour que je comprenne ça. En fait, il y a eu une frustration énorme qui est venue de ça. Bah, envers le Sifu, tu fais, mais vous m'avez pas montré qu'en fait, pour faire un point, il fallait que je mette le pouce comme ça, tu vois. Il y a un moment, expliquez-moi et ça dès c'est le début. Surtout, au final, c'est pas le Sifu qui te l'a enseigné. Non, c'est non, les non. autres. Oui, oui, élèves ah oui, non, non. Dans la classe. Ah oui, non, clairement. En fait, faut pas écouter le maître. Oui, c'est clair. Oui. Il a picolé, en fait. Et en parlant de prof qui dit de la merde, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que ça m'avait passablement énervé quand je l'ai appris. Mais tu sais, donc, il y a tout un système d'amélioration tout au long du jeu. On l'avait dit, on peut débloquer certaines compétences et on peut également croiser donc des dragons. On va pouvoir choisir en fonction de dépenser du score de l'XP ou je sais pas quoi d'acheter certains trucs, et tu peux augmenter ta barre de focus qui est ta jauge blanche un peu cheat code qui te permet de faire des attaques où là vraiment tu ralentis le une temps, une attaque gratuite en une fait, une attaque complètement gratuite qui est a priori imparable, et le jeu tout du long te dit ça c'est trop fort, ça marche bien, sauf sur ce fucking boss de fin. C'est-à-dire que du coup le jeu en fait, là pour le coup, là pour moi on est vraiment dans du il y a vraiment une notion de respect qui est pas présente entre les devs et moi, et je suis désolé de le dire cette façon-là parce que moi c'est vraiment un crachat à la gueule quand on me fait un truc comme ça. Si tout au long du jeu je me suis ennuyé, je me suis fait chier à miser sur une mécanique etc, et que cette mécanique finalement elle ne peut pas me servir à l'instant, vraiment au climax du jeu, à la toute fin, je peux plus l'utiliser parce qu'en fait vous avez décidé arbitrairement de rendre ce type-là invulnérable à ce truc-là. Enfin vraiment, je me dis bon bah c'est le contrat. Tu encore vois, une fois, c'est toujours cette histoire de contrat. De là, vous respectez pas votre truc, quoi, les gars. Parce que autant sur le papier, tu vois, moi j'étais ça me choque pas que le boss, on t'explique par un système, une mécanique, un truc. En fait, il est très fort. Il y a des jeux comme ça qui brisent un peu leur code. Je pense à mini spoiler, mais ça dans Dishonored, t'as un ennemi, un moment down quand tu ralentis le temps. En fait, il est immunisé contre ça, tu vois. Ou dans Okami, un moment t'as un ennemi, si tu mets trop de temps à faire tes dessins avec les pinceaux, il vient gribouiller, tu vois, le pinceau, et par les codes du jeu, tu fais ah ouais, en fait, il est capable de faire ça. Mais là, effectivement, là où c'est vraiment choquant, et je te rejoins, ça devrait pas être là, c'est que tu peux vraiment investir beaucoup de points de compétences dedans, et là, c'est pas ok. Tu vois, autant si c'était une petite mécanique, un petit truc, parce qu'il est aussi immunisé, par exemple, contre les projections orientées dont on parlait tout à l'heure, et si c'était que ça, tu dis bon, ok, c'est un truc dans le jeu, il faut que je contourne, faut que j'utilise mes autres techniques, c'est pas un truc que tu dis, c'est ça, c'est que t'as un truc, autant tu pouvais jouer avec et tu dis ah oui, non, il faut que j'utilise d'autres clés du jeu, mais qui sont là aussi au début ou quoi, ou alors tous les trucs dans lesquels t'as investi sont valables contrairement aux trucs que t'as dès le début. Ça, ok, tu vois, qu'on m'explique que le boss il est très fort, immunisé contre ça, mais immunisé contre un style de jeu dans lequel t'as pu investir. Là, il y a effectivement, c'est trop le château de cartes qui tombe, c'est un peu trop vénère, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des choix. C'est-à-dire que, du coup, si toi, tu as investi là-dedans, tu as sacrifié d'autres choix, et ces choix-là étaient valables. C'est-à-dire qu'en et fait. Et on te dit, oui, que ton choix, en fait, bah, c'était et pas. Et pour le moi, bon. Tu vois, c'est une logique de construction de narration qui est bête et qui est celle des livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que le livre dont vous êtes le héros, arbitrairement, t'as fait tel choix à la page 46, il te renvoie à la page 22, et à la page 22, tu lis, vous êtes mort. tu vois. Et c'est littéralement ça, c'est-à-dire que là, t'as fait un choix tout au long du jeu, et à la fin, il te dit, hey, en fait, c'était une impasse, tu es mort. Tu peux pas le faire, tu peux plus t'appuyer sur ce truc-là qui t'a aidé tout au long du jeu. Et donc, tu pourrais te dire, bon, ok, donc si je ne peux plus l'utiliser maintenant, je vais apprendre autre chose, mais ça arrive trop tard. Si c'était genre dès le premier boss qui te dit attention, ces attaques là sont tous les boss sont immunisés à ça, et tu te dis ok, bon bah je ne m'appuie pas sur cette béquille là. La moitié, enfin c'est limite, enfin il y a une bonne partie de l'arbre de compétences qui est composée d'attaques. Oui, beaucoup de choses sont de ces attaques là qui sont en plus des attaques qui en termes de gratification sont les plus cool, parce que c'est vraiment visuellement c'est top, c'est ces fameux finish, enfin c'est ça peut déclencher des finish derrière, enfin il y a un petit ralenti en plus, il y a des ouais c'est, tu vois, c'est vraiment une mécanique où tu dis bah je peux m'investir là-dedans, ça va m'aider, et en fait le jeu considère que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et bon, on a été assez critique vis-à-vis pas mal de choses du jeu. Il y a autant des problèmes d'enseignement, de tutos, de trucs un peu contradictoires. Et on a appris avec le temps qu'en fait ils ont pas eu vraiment le temps de faire beaucoup de playtest. Et vraiment, je pense qu'en fait ça vient cimenter nos sentiments, c'est qu'en fait nous tous en y jouant, on s'est dit il y a quand même plein de choses qui auraient dû être réglées en fait avec du playtest, où vous mettez une grosse masse de gens qui vont jouer à votre jeu, qui vont dire attends, ça empêche pas. Et en fait, tu fais des petits réglages. Moi, je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont pas là, le truc de vieillissement, voilà, c'est une mauvaise idée, je pense qu'il y a rien à régler là-dessus, si ce n'est dégage. Mais par contre, tous ces petits trucs du UX, de tuto, les post-it, les machins, tous ces petits les feedbacks, etc. C'est impossible que ça sorte pas dans un playtest. Il y a plein de choses en fait qui auraient dû ressortir dans des phases de playtest et malheureusement qui sont ressorties quand le jeu il est arrivé. Et le problème, c'est que on va pas faire les mecs les plus gros cerveaux, mais tous ces petits trucs, nous, de feedback, du X et tout, on a appris à les regarder. Mais plein de gens qui vont jouer au jeu, ils vont juste se dire bah ouais, c'est trop dur, c'est injuste en fait. Alors qu'en fait, c'est plein de petits problèmes. Tu pourrais les corriger. Et le problème, c'est qu'on va les associer à un truc genre ah bah c'est parce que le jeu est exigeant. Non. Oui, le jeu est exigeant, mais il y a aussi d'autres choses que le jeu ne fait pas bien et qui ne sont pas en accord en fait avec cette exigence qu'il va nous demander. Et je pense que c'est ça, un des clés du problème. Et c'est souvent le cas dans les trucs sur la difficulté, c'est qu'en fait on fait pas forcément la différence entre la philosophie profonde et essentielle du jeu et comment elle l'exécute, et parfois elle ne l'exécute pas si bien que ça. Ouais, mais et ça là je suis désolé parce que c'est vrai que c'est un bête argument d'autorité de dire bah c'est mon métier, je fais ça maintenant depuis quand même 4-5 ans, de faire du consulting sur des jeux d'action, et c'est typiquement ce genre de problème là qu'on relève très tôt, c'est-à-dire que c'est vraiment des soucis qu'on s'en rend compte super vite. Tu me mets la manette en main au bout d'une heure, je peux te dire déjà il y a des soucis à ce niveau, et ça se corrige, et c'est juste frustrant de se dire que le jeu, est-ce qu'il est sorti peut-être trop tôt, tu vois, parce que s'ils avaient eu quelques temps supplémentaires pour corriger ce genre de petits trucs, on aurait pu éviter ça, tu vois, ils auraient pu mettre un petit bout de rustine par-ci par-là pour créer un petit tuto, éventuellement avoir une certaine flexibilité par la suite, vraiment juste en post-launch, peut-être une semaine après ils sortent un truc, mais là ça fait des mois et il y a plein des soucis qu'on a évoqués là qui ne sont toujours pas réglés parce que justement, est-ce qu'ils ont été identifiés comme étant clairement des vrais problèmes du jeu, est-ce que c'est possible de les corriger, parce que ça, il faut aussi comprendre qu'il y a des trucs fondamentaux d'une production de jeu, aller toucher au cœur de la mécanique, c'est compliqué, ça devient impossible. Tu vois, la mécanique de vieillissement, tu peux pas tout jarter d'un coup du jour au lendemain sans changer complètement l'identité du jeu. Oui, voilà, typiquement ce que Hugo disait, la mécanique de vieillissement, tu vas pas l'enlever. Au risque de répéter, pour qu'on comprenne bien quand même, voilà, moi la mécanique de vieillissement, j'ai pas de problème avec. Fondamentalement, tu vois, c'est vraiment toutes les surcouches qui ont été rajoutées, comme on l'a dit, et il y a un peu ce syndrome, effectivement, je crois que tu l'avais déjà évoqué, peut-être le nez un peu trop dans le guidon, ou plutôt que de vouloir faire des playtests pour les choses fondamentales, ils vont se dire et si on mettait plus de dégâts, moins de trucs, et si l'arbre de compétences il était lié, et si on met rajouté une enquête, et si attendez avant de rajouter, peut-être voyez un peu, parce que là on parle de moyens et tout, mais voilà, moi ce que je lui pardonne absolument pas, c'est les post-it et la formulation des post-it, et à un côté non, là ça coûte pour le coup pas grand chose, en tout cas, sur le niveau formulation, ça devrait aller, tu vois. C'est du néant, et en plus c'est un truc qu'ils auraient pu corriger depuis, c'est-à-dire que s'ils avaient corriger la terminologie après coup, on n'en aurait même pas parlé aujourd'hui, tu vois, parce que ça peut arriver. Je veux dire, une coquille qui passe les derniers QA, les derniers machins, et vous les corrigez qu'une semaine après, aucun souci. Là, ça fait des mois, non. Ouais. Et même en anglais, il y avait d'autres, c'était pas tout à fait le même problème, mais il y avait d'autres problèmes qui étaient posés où ils parlaient de dodge, alors qu'en fait, tu peux parer aussi. Enfin, bref, il y a un côté. Tu dis que ça veut dire qu'en interne, c'était pas méga clair non plus, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que, encore une fois, tu veux un jeu exigeant, pour moi, faut être méga carré, en fait. Et c'est ça le truc. truc du... En plus, c'est ça, cette image du kung-fu, du machin, tout. Faut que ça soit carré, quoi. Et surtout, faut que les fondamentaux soient là et que dans l'enseignement, tu sois impeccable et tu peux pas te permettre de jouer avec n'importe quoi et de laisser trop de c'est hasard, ça, quoi. Et c'est ça, en fait, tu sens que... Pour moi, vraiment, je sens qu'il y a un truc qui... Ils ont voulu faire un jeu où on te parle d'enseignement, d'apprentissage, tu vois, de transmettre des valeurs comme ça du kung-fu. De devenir meilleur. De devenir meilleur, etc. Mais vous ratez l'essentiel, vraiment le truc de la fondation. Moi, j'utilise 100% du temps cette métaphore de la maison, tu vois, quand on parle d'une production de jeu. Et la fondation de ta production, c'est ce que tu vas faire dans les tout premiers mois de ta prod, ton core gameplay, etc. Il faut que ça soit irréprochable parce que tout ce que tu vas construire par-dessus va se casser la gueule à un moment donné. Et là, on est vraiment face à un exemple. Pour moi, c'est un cas d'école d'un jeu qui... à essayer de rajouter des rustines en rajoutant des couches supplémentaires, tu vois, de complexité pour corriger des problèmes qui auraient dû être corrigés à un niveau beaucoup plus fondamental, beaucoup plus core en fait. Et là, malheureusement, ça donne un jeu qui donne cette idée, qui continue de nourrir cette fausse idée que les jeux sont trop difficiles ou quoi que ce soit. Alors que, encore une fois, pour moi, pas du tout. C'est ça aurait pu être complètement différent et ça aurait pu fonctionner. Hein. Et je pense en fait, tu vois, si tu reviens à Absolver où tu sais, il y avait trop de complexité, c'était on veut faire du multi, du machin, je trouve encore que Sifu, il aurait peut-être fallu redescendre à plus de simplicité, en fait, être plus dans l'épure et nous dire Git Good, très bien, let's go, et t'as pas besoin d'en faire des caisses et des machins, parce qu'en plus, vous avez une esthétique, vous avez des artistes, ils font un très bon travail, que ça soit sur le sound design, l'esthétique, etc. Il n'y a rien à dire. Sur l'animation, les zooms, les caméras, vous êtes vous savez vraiment faire. Donc en fait, on aurait pu rouler tranquillou sans avoir toutes ces surcouches de complexité, et c'est ça que je leur souhaite, en fait. Je leur souhaite plus de simplicité, plus de d'épure pour arriver à un jeu qui sert pas forcément. Vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste vraiment assurez-vous que tu vois, vraiment T3C, ton core gameplay, il soit carré de ouf. Et après, tu peux t'amuser à broder par-dessus, il y a pas de souci. Mais si vraiment tu lâches les fondamentaux et que tu les laisses de côté et que tu ne fais que rajouter par des trucs. Pour moi, c'est ça, c'est le prochain jeu, et encore une fois, on est critique, mais c'est parce qu'on aurait envie d'aimer ce jeu. Pour moi, de loin, Sifu, il remplissait toutes les cases. C'était un de mes candidats au GOTY easy. Je me suis dit, putain, trop bien. La philosophie des From Software, adapter un truc de Kung Fu, j'adore les films de Kung Fu, etc. J'ai fait des arts martiaux pendant presque 15 ans dans ma vie. Donc, pareil, tu vois, je me sentais vachement appelé par ce jeu-là. Et même moi, le pari que ça soit sur plus court, tu vois, un truc plus condensé qui dure que quelques heures et tout. Ouais, moi, j'étais mais méga chaud, en fait. Ouais, trop bien. Pas de multi en plus. Donc, bon, moi, j'aime bien me mettre bon contre moi-même, mais pas contre d'autres gens. Donc, il y avait tous les ingrédients pour que ça soit genre un jeu dont je parlerai pendant des années, et tu vois, c'est vraiment, il y a un côté dommage. Et moi, le jeu, tu vois, je l'ai terminé, j'ai refait quelques niveaux pour l'épisode ou pour voir un peu, et j'aime bien le stade où j'en suis, parce que j'ai eu justement tous ces déclics, tous ces trucs, maintenant je maîtrise un peu le jeu, et le jeu, moi, je l'aime bien, tu vois, je trouve qu'il y a des trucs fun, mais j'arrive pas à surmonter ce somme que j'ai eu, en fait, vraiment cette énorme marche qu'il m'a fallu franchir pour apprécier le jeu, parce que je me dis, cette marche, elle était vraiment pas nécessaire, vraiment, et c'est ça le souci, c'est pour ça qu'on a passé, en fait, autant de temps, finalement, à en dire beaucoup plus de mal que de bien, alors que autour de la table, alors on est divisé, hein, vous l'avez compris, même sur des trucs fondamentaux genre la mécanique de vieillissement, mais c'est parce que faut le décortiquer un petit peu aussi, tu vois, ce qui va pas, parce que ce qui va bien finalement fondamentalement, bon, c'est relativement simple, c'est-à-dire le côté parade, esquive, mise en scène, la caméra. En fait, la caméra, on peut pas vous dire pendant 10 minutes pourquoi c'est bien, tu vois. On peut juste dire que tu sois dans un escalier, que tu sois avec des plafonds, quoi, la caméra elle est bien, voilà, le taf il est fait. Et justement, c'est le genre de truc, quand ça passe, t'as moins tendance à le remarquer ou à t'attarder dessus, alors que là ça coince un peu et t'as envie de dire mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler, quoi. Non, et puis surtout, vous avez vu comme on a dû démêler plein de petites choses, en fait, et c'est peut-être ça, c'est peut-être trop un sac de nœuds encore, c'est peut-être que ça soit peut-être un peu lisible, on le pose sur la table, on fait d'accord, c'est ça, il n'y a pas besoin de démêler, c'est comme des écouteurs, tu sais, quand tu les prends dans ta poche et qu'ils sont tout emmêlés, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est fou. Donc voilà, prochain jeu Slow Clap, faites des du écouteurs Bluetooth. Sans fil, voilà, exactement, faites des AirPods. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus, si ce n'est que j'imagine que ça, de toute façon, ça a bien fonctionné pour eux. Ouais. On imagine qu'ils vont continuer à prolonger là-dedans. Et en fait, moi, je leur souhaite de mettre ce gros coup de poing qu'ils ont envie de mettre, en fait, et surtout que ils ont quand même pu se dessiner une sorte d'identité à la fois avec Absolver et Sifu. Tu dis, ces gens-là, ils aiment faire ce genre de jeu. et on a toujours envie de les voir. Et tu sens qu'ils ont déjà un savoir-faire, oui, parce c'est qu'effectivement, tu vois, je sais qu'en termes d'animation, de combat, de mise en scène des choses, ben, leur prochain jeu, je pense qu'ils ont déjà tellement acquis de choses ces dernières années qu'ils vont pouvoir aller encore plus loin. Et donc, ben, ce qu'il faut, voilà, il faut juste, n'oubliez pas au passage vos fondamentaux, votre core gameplay, et à mon avis, vous avez, là, vous allez pouvoir les éclater, les scores en métacritique. Du playtest, du consulting, voilà. Et avec voilà. L'argent de Sichou, et puis voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Voilà, si on espère que vous n'avez pas passé un moment trop amer avec nous sur Sifu, rassurez-vous, le prochain c'est Cyberpunk 2077. C'est vrai, c'est déjà le prochain. Ah là là. Absolument aucun problème là-dessus. Là, c'est plus un petit sac, c'est plus des écouteurs. En vrai, c'est une bande élastique. C'est un gros câble. Il y a des Playmobil, il y a des Lego, il y a plein de dents. Non mais tu sais que j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit putain, on va faire Sifu, on va quand même dur. Je me dis putain, le prochain c'est Cyberpunk 2077. Quel ride on va se payer en décembre. Espérons que la magie de Noël soit avec nous. On vous remercie de nous soutenir sur Patreon si vous nous supportez encore. On remercie également Sony, le PlayStation Plus. Je rappelle que vous pouvez accéder là-dessus sur PlayStation, mais aussi sur PC si vous prenez le PS Plus Premium. Vous pouvez jouer en streaming à des jeux PlayStation, Bloodborne. Voilà, tout ça. Voilà, ça aussi, hein, l'école du Geek Good. Voilà, si vous en voulez, il y en a. Et puis, il y a notamment Nioh aussi. Là aussi, c'est de l'école du Geek Good. Hein, ah oui, ça, complètement. Hein. Ouais, bah c'est vraiment un mix improbable entre Diablo, Sekiro et un peu même de Onimusha pour les gens à qui ça parle encore. Très bien, et on se retrouve donc dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année, Cyberpunk 2077. Peut-être qu'il y aura un épisode de Panthéon entre-temps, Maxime ? Oui, attends, c'était dit quoi ? Je crois le 8. C'est ça, a priori, ça. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Soyez là sur Twitch pour nous suivre. Merci et à la prochaine. Ciao.